Pour répondre à l'anniversaire La Paire, il y a par exemple jusqu'à 25% de remise sur les fenêtres PVC ou aluminium sur mesure. Moins 25% sur les fenêtres. L'anniversaire La Paire, mais c'est sûr, il n'y en a pas deux. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. La météo sur RMC, la météo de votre week-end, c'est avec Jean-Baptiste Bergès que je salue. Bonjour François, bonjour tout le monde. L'automne nous réserve de belles surprises. La preuve, ce samedi, les températures vont être estivales, entre 4 et 8 degrés au-dessus des normales de saison. Nous bénéficions toujours d'un flux d'air chaud en provenance d'Espagne qui fait grimper le mercure. Et là où il va faire le plus chaud, ce sera à Biarritz. On attend 31 degrés en Nouvelle-Aquitaine au meilleur de la journée. Un temps idéal, pourquoi pas, pour les dernières plages, surtout que le ciel sera bleu. Le soleil va briller toute la journée sur toutes les régions de France. Toutes sauf en Bretagne, où ce sera un peu plus mitigé, car une perturbation se prépare à l'ouest. D'abord, ce matin, sur le Finistère, on retrouve des grisailles localisées, et ces voiles nuageux vont se généraliser sur l'ensemble de la région au cours de la journée. En Bretagne, où le vent du sud va souffler à 70 km/h aujourd'hui. Les températures, ce matin, elles sont encore fraîches, 18 à Nice, mais seulement 6 degrés à Reims, mais cette fraîcheur va très vite se faire oublier, puisque cet après-midi, il fera 24 degrés à Strasbourg, 26 à Paris, 26 aussi à Marseille, 25 degrés du côté de Pézenas dans l'Hérault, 30 degrés à Montauban. Demain, dimanche, retour de la pluie, nous perdrons jusqu'à 10 degrés. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec football, les matchs de la Première Ligue anglaise. 14h45, rugby top 14, Castres Racing 92. Et dès 17h, Intégral Foot Ligue 1, Lorient-Lyon, avec à 20h les autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Dans un instant donc, le week-end des experts à la maison, il est 8h sur RMC, toute l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, aéroport de Nice ce matin, 58 familles, plusieurs centaines de proches de victimes de l'attentat du 14 juillet, elles sont sur le départ, destination le Vatican pour rencontrer le pape François. Les soldats français vont dire adieu au FAMAS, révolution dans l'armée qui va se munir de nouveaux fusils, sauf qu'ils ne sont pas fabriqués en France. Et puis le football, le PSG est-il en train de devenir un club comme les autres? Le football, deuxième défaite hier soir en 7 journées, pas à la hauteur des ambitions parisienne. 8h01 sur RMC. Bonjour à tous. 22h45, le 14 juillet dernier, sur la promenade des Anglais à Nice, elle vivait le cauchemar. 86 victimes de celle de l'attentat, des centaines de blessés physiques et psychologiques. C'est pour leur apporter leur soutien de l'Église que le pape François reçoit les rescapés aujourd'hui des familles de victimes qui viennent de décoller de Nice, Benoît Ruiz. Oui, et ce voyage à Rome, ce sont avant tout des histoires, celles de ces familles de victimes de l'attentat. Bernadette, elle, a perdu son fils ce soir-là. Elle attend beaucoup de cette rencontre avec le pape François, du réconfort notamment. Chati, lui, est musulman, sa cousine a été blessée. Il est là pour porter un message de fraternité, un message de paix. Des familles inconsolables qui espèrent voir le pape trouver les bons mots lors de cette audience privée à la mi-journée qui doit durer une heure. Au bord des larmes, Jean-Claude se dirige vers la zone d'embarquement. Son fils est mort sur la promenade des Anglais. Cette journée, nous explique-t-il, sera très dure, mais elle est nécessaire pour se reconstruire. Benoît Ruiz à Nice pour RMC et BFM TV. C'est l'actualité. Cette nuit, au moins 3 personnes tuées, fusillade à l'ouest des États-Unis dans l'état de Washington, tuées dans un centre commercial par un homme en fuite. La victoire d'Ali Bongo validée au Gabon, validée tard hier soir par la Cour constitutionnelle du pays. L'issue du scrutin fin août dernier avait déclenché une vague d'émeutes meurtrières à Libreville, la capitale, et dans d'autres villes du pays. Le fameux FAMAS a donc vécu place au HK-416, nouvelle arme qui va équiper d'ici quelques mois l'ensemble de l'armée française. Le FAMAS était utilisé depuis les années 80, fabriqué à Saint-Étienne. Le HK-416, lui est allemand. Oubliez donc le Made in France. Comment s'explique l'armée, Romain Cluzel? L'appel d'offres remonte à 2014 et le cahier des charges était très spécifique sur 600 points différents concernant le fusil, ses munitions et le fabricant. Des conditions pas seulement techniques mais aussi logistiques. Le fabricant devait être européen et pouvoir livrer jusqu'à 16 000 armes par an. En plus, il faut assurer le service après-vente pendant une trentaine d'années. Il fallait donc un armurier solide financièrement. L'armée française recherchait une entreprise avec un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros depuis au moins 3 ans. Et en France, personne n'a une telle capacité. Depuis que Manu France a stoppé sa production militaire, le numéro 1 français, c'est Vernet Caron, avec seulement 12 millions de chiffre d'affaires. On est donc loin des conditions requises. Ce n'est pas la première fois que l'Allemagne fournit les armées françaises. Depuis 2 ans, les célèbres Rangers ont été remplacés par X, une société bavaroise. Encore très peu de détails ce matin à Pantin en Ile-de-France. Une mère de famille tuée par balle, c'était tard hier soir, tuée de deux coups de feu alors qu'elle était au volant de sa voiture. Le tireur a pu prendre la fuite. Rideau baissé, le silence dans les rues, une ville à l'arrêt. Opération Ville Morte ce samedi à Belfort. Tous les habitants et les commerçants appelés à soutenir les Alstom. 480 salariés en sursis depuis l'annonce de la fermeture du site. Olivier Kohler, délégué CFDT chez Alstom, apprécie la démarche. On sent qu'il y a un élan quand même. On sent qu'il y a une implication importante des commerçants et donc qui se sentent particulièrement touchés. Ces 400 familles qui sont impactées, c'est une incidence économique importante. Hein. Ça veut dire que voilà, plus d'achats effectués dans les divers commerces de cette ville. Ça veut dire aussi un impact vis-à-vis des sous-traitants concernant les sociétés de nettoyage, concernant les bureaux d'études qui travaillent actuellement pour cette usine. Et donc une incidence importante pour la mairie, pour la ville et les commerçants naturellement. Ouais. Olivier Kohler au micro d'Antoine Perrin. Hier, elle se félicité du redressement des comptes de la Sécu. Déficit du régime général ramené à 400 millions d'euros contre près de 3,5 milliards l'an dernier. La ministre Marisol Touraine veut aller plus loin. Dans son viseur, les dentistes, elle souhaite un plafonnement du prix des prothèses dentaires. Mesure pour que ce chiffre ne perdure pas. Un Français sur cinq renonce aux soins dentaires à cause du prix. Mais pour Catherine Mojaïski, présidente du premier syndicat de dentistes, le plafonnement des prothèses est une mauvaise idée. Baisser des tarifs de façon artificielle ne réglera rien. Aujourd'hui, c'est bien la prothèse qui nous permet d'investir, qui nous permet de nous équiper, qui nous permet de nous rémunérer, de rémunérer nos salariés. Et si on baisse cette source de financement, eh bien les cabinets dentaires ne pourront plus exister. Je mets les pouvoirs publics, la sécurité sociale, les mutuelles devant leurs responsabilités. Le remboursement d'une couronne n'a pas bougé depuis 28 ans. Catherine Mojaïski, interrogée par Cécile Coste. Et puis vous avez tout le week-end pour vous régaler, la fête de la gastronomie un peu partout dans le pays, et notamment à Toulouse, la ville rose. La ville rose qui se met à table, et pas n'importe comment, Jean-Wilfried Forquès. Ce sera un banquet géant, ils seront 3000 à table. Olivier Soenen, de l'association Toulouse à table. C'est pas plusieurs tables, c'est une grande table. On va manger tous ensemble. C'est surtout ce qu'on veut garder. Il faut que ça reste convivial et populaire. Ce sera surtout un banquet intergénérationnel, ce qui ne déplaît pas à cette jeune Toulousaine. Moi je trouve ça génial. Moi j'adore partager avec les personnes âgées, donc je pense que l'ambiance peut être vachement sympa. Et ce jeune Toulousain sera là, il ne viendra pas seul. Je ne sais pas encore, oui, entre amis je pense. L'occasion de goûter des produits du coin quoi. Pâté de campagne, veau à la broche, fromage de Rocamadour et vin du sud-ouest. Priorité aux produits régionaux, dit Olivier Soenen. C'est le festival du bien manger en fait. L'idée première, c'est d'abord de valoriser les producteurs de la région. L'idée, c'est de dire, ben voilà, à Lyon, il y a le festival des Lumières, à Bordeaux, il y a le festival du vin, à Toulouse, on va faire le festival du bien manger. Chaque convive devra débourser 17 euros pour participer à ce repas, placé sous le signe de la convivialité. Voilà le reportage à Toulouse de Jean-Wilfried Forquès, 8h06 sur RMC. Plus aussi costaud que les années précédentes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Le PSG a perdu son deuxième match cette saison hier soir, 2-0 à Toulouse. Pas de quoi dramatiser pour le milieu Blaise Matuidi. Pas s'inquiéter, mais se remettre dans le travail. On avait fait deux très bons résultats dernièrement. Voilà, aujourd'hui, il y a un fait de jeu qui change le match, on va dire. Donc voilà, après, il faut, comme je l'ai dit, continuer à travailler. Les Parisiens relativisent, mais Jérôme Roten de la Dream Team RMC, lui, est un petit peu plus inquiet. Soirée cauchemardesque, c'est sûr que Serge Aurier, bon, a pas fait un grand match, il prend un carton jaune en première mi-temps, une faute bête sur ce pénalty, carton rouge. Le problème de Paris aujourd'hui, c'est qu'il y a encore un petit manque dans cette équipe, il y a quelque chose qui est pas comme les autres années, parce qu'il y a un effectif qui est un peu bouleversé. Tout ça fait que Paris est en rodage, Paris est jouable pour pas mal d'adversaires, et quand vous tombez sur un adversaire qui en plus a la réussite et après derrière montre qu'il est en forme, qu'il est en confiance et qu'il a du talent, et ben ils peuvent perdre. La suite de cette 7e journée c'est aujourd'hui, et ça commence à 17h avec Lyon qui sera à Lorient. Le rugby, direction Toulouse qui reçoit le Stade Français aujourd'hui, 6e journée de top 14, direction Toulouse donc au chevet d'un club malade. Fini les finales de top 14, fini les titres européens, aujourd'hui Toulouse est 11e au classement. Est en pleine souffrance, Wilfried Templier. Oui, car il faut maintenant remonter à 2012 pour trouver trace d'un titre de champion de France, là où pendant 20 ans, le Stade Toulousain ramenait un trophée une année sur deux en moyenne. 4 ans que l'équipe n'a même plus disputé une finale, mais pour l'arrière, Maxime Médard, il ne faut plus se retourner. Et c'est juste qu'il faut arrêter de vivre dans le passé. On a gagné souvent des titres et tout, c'était super, mais aujourd'hui, si on veut écrire notre histoire, c'est avec ce groupe. Le problème, c'est que moins de résultats, c'est moins de monde au stade. Environ 3000 spectateurs en moyenne évaporés sur les dernières années, donc des finances dans le rouge et un recrutement qui s'en ressent. Toulouse doit régénérer un effectif vieillissant vieillissant et à nouveau attirer des stars. René Bouscatel, le président, reste lui positif. On a réglé beaucoup de problèmes et puis nous sommes sur autre chose. Je vous promets que nous serons présents tous les ans au plus haut niveau. 11e du top 14, le Stade Toulousain a peut-être besoin de temps pour retrouver les sommets, mais on en laisse rarement à ce genre de club. Le reportage de Wilfried Templier. Et puis un petit mot de basket, François, pour terminer. La Pro A, le championnat redémarre ce week-end. La Pro A qui, cette saison, sera à suivre sur SFR Sport 2. Et notamment la rencontre cet après-midi, le champion titre Lasvel qui reçoit Monaco. 8h08 sur RMC, François. Oui. Tiers écarté, quintet plus. À Auteuil. Cet après-midi. Les pronostics de la Dream Team. Sébastien Darras nous conseille le 9 Viking Maker et le 12 Bandit d'Aîné. Brahim Asloum aime beaucoup le 10 Kialko. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 14 Messire Fontenelle et le 13 Urgent de Gregen. Le 9, le 12, le 10, le 14 et le 13. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et dans un instant sur RMC, ça sera la maison. 2 heures dédiées au bricolage, la maison, la déco avec The King of the Maison. Ayamir. Ayamir. C'est Christian PC. On attend d'ores et déjà vos questions. Bricolage, maison, déco 32 16. À tout de suite, les amis. Jusqu'à 2000 euros d'aide pour la rénovation énergétique de votre domicile. Ça vous intéresse? Alors on en parle dans un instant avec la prime éco-énergie d'Auchan. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de deux produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur conforama.fr. Garçon, excusez-moi, quel est le plat du jour, s'il vous plaît? Eh bien, le plat du jour, c'est... Il y a l'air discount, je dois filer chez Netto. Aujourd'hui, il y a 4 tranches de tendre noix supérieure Erta gratuites pour 4 tranches achetées. Netto, le discounter qui fait la différence. Origine France, 320 grammes, 2,24 le lot, soit 7 euros le kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel. Votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert avec son volume de 6,6 mètres cubes grâce à la banquette Modiwork et profitez de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Expert Premium Pack à partir de 179 euros par mois. Garantie, assistance et entretien 5 ans inclus. Nous comptons sur vous. Crédit bail sur 60 mois, 50 000 km après un premier loyer de 4 900 euros. Détails sur PeugeotWebStorePro.com. Le magique anniversaire continue chez But. En ce moment, la machine à dosette Tassimo est à 29,99 euros au lieu de 69,99. Bon, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. RMC, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Il est 8h11, c'est RMC. Merci d'être avec nous. Et place maintenant, après le jardin, à la maison. Christian Pessé, rebonjour. Rebonjour, cher François. Deux heures ensemble, Christian. Oui. Quel plaisir de passer ces deux heures comme chaque samedi matin. Un plaisir partagé depuis un certain nombre d'années déjà. C'est vrai. Ça ne nous rajeunit pas. Non. Le bricolage, la maison, la déco, c'est chaque samedi sur RMC. C'est un rendez-vous unique, exclusif. Seul RMC vous propose donc deux heures dédiées à la maison avec Christian. On va retrouver vos questions dans un instant. On va vous offrir un très joli cadeau dans une minute. Et puis, sachez que tout à l'heure, entre 9 et 10, on va parler du traitement de l'air dans la maison. Le traitement de l'air dans la maison, c'est-à-dire la ventilation, parce qu'on va le voir, il y a un sondage récent qui est paru, et les Français ne sont pas conscients du tout du fait que eh bien, leur maison elle est souvent mal ventilée. C'est une grave erreur que de penser que le renouvellement de l'air et le renouvellement de l'air est suffisant. Alors on a souvent une VMC, une ventilation mécanique contrôlée, mais parfois elle est ancienne, elle peut être aussi encrassée. Donc on va parler de tout cela avec un spécialiste de justement de la VMC, Michel Bénard de chez Aldès. On va avoir aussi l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui, justement, est très attentif à ça. L'Observatoire avec... de qualité de l'air de l'intérieur. Ouais, André Buchmann, présidente donc de cet observatoire. Et puis on parlera du sondage Opinionway qui a été commandité par Atlantique. Les Français et la qualité de l'air. On va voir que les résultats sont assez surprenants. Enfin, on parlera d'entretien, car jamais personne n'entretient sa VMC au-delà d'un petit changement de filtre, etc. Quand on passe des caméras dans les gaines de VMC qui ont 15, 20, 30 ans, c'est l'apocalypse. Ouais. Puis on évoquera aussi les conséquences de l'air vicié pour la santé. Voilà, donc on aura Christian Ricard au téléphone, que tout le monde connaît, évidemment. Bon, notre médecin préféré ici à RMC. Pour répondre éventuellement à vos questions sur le sujet. Oui, parce que qu'est-ce que ça fait, tiens, à l'organisme, un air qui est vicié, pollué? De l'asthme, des allergies, des problèmes cutanés, enfin c'est... C'est pas terrible. Non. On en évoquera tout ça donc à partir de 9h, mais d'ici là, bien sûr, toutes vos questions bricolage maison déco au 3216. Merci d'être là, bienvenue, et on accueille Éléonore. Bonjour Éléonore. Bonjour à Bonjour. Tous les deux. Bonjour. J'écoute avec beaucoup de plaisir votre émission le samedi matin, vous êtes joyeux et tout. Ah oui, c'est gentil, oui, merci. Il ne faut pas s'ennuyer en plus. Hein. Vous êtes dans quelle région, Éléonore? Dans le midi. Dans le midi? Oui. Alors je ne comprends pas, Éléonore, dans le midi. Oui. C'est quand même bizarre. Ouais, bien sûr. C'est ah, vrai. Bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Je ne suis pas native du midi, voilà. Bon. Ah, ouais. C'est peut-être pour ça, voilà. Elle est du nord. Ouais. Donc, et ce matin, vous, voilà. Et ce matin, voilà. Vous n'êtes pas à l'ouest. Non, je ne suis pas à l'ouest, je suis bien dans le sud. Alors, voilà, après ces jolies petites blagues sympathiques, on enchaîne avec votre question. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, j'ai trois petites questions rapides. Oui. La première, c'est que je suis en train de réaménager un appartement qui est vraiment dans un état épouvantable. Et je voudrais, on me propose de mettre un parquet flottant sur le carrelage qui est vieux, fendu, tout abîmé. Oui. Enfin, voilà. Et j'ai un gros chien... Il commence à être âgé. Moi aussi. Et je voulais savoir, et deux chats, je voulais savoir s'il y a des problèmes de glisse. Ah, c'est pas tellement. Est-ce que ça glisse? Non, il y a pas, ça glisse pas plus qu'un carrelage, donc c'est-à-dire ni plus ni moins. Ça glisserait plutôt moins. Moi, simplement, ce que je vous conseillerais. C'est de prendre un vrai parquet bois, c'est-à-dire de ne pas confondre et de ne pas y mettre un stratifié qui n'est pas un parquet. Pourquoi? Parce que le stratifié, lui, ça s'use en surface, ça se raye, et quand c'est rayé, c'est fichu. Un parquet bois, de toute façon, même si ça se raye, ça peut toujours se rattraper par un ponçage. Oui. Simplement, prenez un bois dur par exemple du chêne, ou bien prenez un bois exotique assez dur. Donc vous n'aurez pas de risque de rayure. Alors, l'autre risque, c'est évidemment, si ces charmantes petites bêtes font des petits pipis, ou s'oublient un peu, vous risquez d'avoir des taches si vous ne prenez pas un parquet qu'on va appeler vitrifié, c'est-à-dire verni. Donc, à partir de là, je dirais que ça va le faire. Donc il faut qu'il soit en bois de préférence. Voilà. Ah oui, il faut. C'est pas de préférence, c'est indispensable. Il faut que ce soit un vrai parquet flottant. Hein. Voilà. Donc un vrai parquet flottant, un bois dur et puis vitrifié. D'accord, très bien. Ça c'était votre première question, Léonore. Non, mais vous en avez. Oui. La deuxième question, c'est est-ce qu'il existe des clims sans moteur? Non. Ben voilà. Ça c'était donc la deuxième question. Moteur, c'est-à-dire sans compresseur. Ce que vous pouvez avoir, c'est une clim dont le compresseur est déporté. Mais il y a quelque part. À ce moment-là, vous allez avoir par exemple des cassettes au plafond avec des gaines et le moteur est déporté. Le moteur, comme vous dites, c'est le compresseur est déporté, la pompe à chaleur est déportée, et donc à ce moment-là, vous n'avez pas de bruit. Si c'est ça que vous voulez savoir. Oui, mais c'est parce que dans un immeuble, on peut pas faire ça, donc on peut pas. Ah non, mais vous savez que vous avez maintenant quand même des clims, y compris des monoblocs, dont le bruit est tout à fait supportable. Voilà. Bon, moi j'en ai une par exemple qui est un petit peu âgée à Paris parce que je m'en sers vraiment que quelques jours dans l'année. Alors là, c'est le cassette, on pourrait pas dormir avec. Mais les clims actuels. Attention au voisinage, hein, quand même. Hein. Oui, voilà, non. Si vous êtes avec une monobloc, ce qu'on appelle une monobloc, c'est-à-dire tout est compris dans l'appareil que vous avez dans votre pièce. Oui, bien sûr. Oui, simplement, oui. Il va falloir que vous ayez une sortie d'air, donc il faut que votre gaine puisse sortir à l'extérieur. Alors, soit on peut faire un trou dans le mur, ce qui n'est pas possible si vous êtes en copropriété, par exemple. Enfin, sauf autorisation. Mais attendez, vous demandez des autorisations, surtout dans le midi, et vous les obtiendrez. Ouais. Et il y en a qui sont aujourd'hui tout à fait. Ça dépend aussi de l'environnement. Il faut, si votre environnement est peu bruyant, eh bien, ça s'entendra d'autant plus. Ce qu'il y a, c'est que comme la terrasse est fermée par des baies vitrées, donc c'est pas possible. Il faut que le groupe soit à l'extérieur à ce moment-là. Voilà. Et là, on n'a pas le droit dans la copropriété. Alors, Éléonore, vous aviez, je crois, une troisième question concernant des fenêtres. Voilà, les fenêtres, justement, dans la copropriété, est-ce qu'on peut enlever, parce que les fenêtres sont très, très abîmées, ne fonctionnent plus, enfin, c'est un immeuble qui est quand même, qui a plus de 20, 23 ou 24 ans, 25 ans, je ne sais pas trop, et donc les fenêtres ne coulissent plus, etc., elles ne se font plus, est-ce que je peux enlever ces fenêtres sans l'accord de la copropriété ? Ben, si vous avez plusieurs vérandas, entre guillemets, ou plusieurs loggias fermées comme ça dans votre immeuble, vous ne pourrez pas, vous, enlever vos fenêtres et pas les autres. Même avec la véranda fermée ? Si elle est fermée, si vous remplacez votre fenêtre par quelque chose de fermé, vous ne devriez pas avoir trop de soucis, puisque le tout, c'est que ça reste en unité par rapport au reste de l'immeuble. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a presque tous des vérandas. Donc moi, c'est pas les fenêtres de la véranda que je veux changer, c'est les fenêtres de mon appartement. Ah, de votre appartement ? Mais voilà. Vous n'avez pas enlevé vos fenêtres d'appartement, vous allez en garder. Oui, mais elles coulissent plus, elles sont abîmées. Eh bien, vous pouvez les remplacer, mais à l'identique. À l'identique. Oui, bien sûr. Important. Et Léonard, merci. Notamment en couleur. Christian, oui. On revient dans un instant et nous aurons Aimé avec nous, qui va nous parler de sa maison qui date de 2000 exactement. Il semblerait que le plafond de sa terrasse soit dégradé. On en parle dans un instant, le 3216, maison@rmc.fr. Merci d'être là. À tout de suite. RMC, 8h-10h. Votre maison. Chaque samedi, RMC PMU.fr présente les courses RMC. De 13h à 14h, une heure avec les experts de la Dream Team RMC pour en savoir plus sur les courses hippiques du week-end. Tout à l'heure, 13h, 14h, les courses RMC. Le rendez-vous des parieurs hippiques uniquement sur RMC avec PMU.fr. PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Bon Nadia, je file, j'ai 5 interventions à faire ce matin. Ah non, 6. Monsieur Dubois vient d'appeler pour une fuite à réparer. Désolé. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Trafic est à 189€ par mois sans apport. Tout est inclus, entretien, garantie, assistance. Loyer Tax Crédit Bail maintenant 60 mois, 80 000 km pour trafic fourgon. Sous conditions de reprise, réservée aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa, voir Renault.fr. Maman, tu m'emmènes pas à l'école ? Déjà ? Mais si on reste en vacances, le temps de remplir la paperasse pour réparer la voiture. Bah, c'est la rentrée quand même. La rentrée, ça va, il y en a une tous les ans. Tiens, si tu arrives à déchiffrer cette déclaration de sinistre, tu auras gagné au moins 3 ans sur ton programme scolaire. C'est bon ça ? Nous aimerions tous obtenir une solution concrète dès le premier appel. Avec l'assurance auto et habitation Alliance, un conseiller vous propose une solution dès le premier appel. Et en ce moment, jusqu'à 2 mois gratuits selon les contrats pour toute souscription faite avant le 31 décembre 2016. Voir conditions sur alliance.fr. Alliance, avec vous de A à Z. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl. Non, c'est pas la forme on dirait. Ah oui, hein, j'ai pas la patate. Parce qu'ici, aujourd'hui, le filet de pommes de terre de 2,5 kg est à 1,49€. Quoi ? 1,49€ les 2,5 kg ? Moins de 60 centimes le kilo ? Là, tu vois, moi, je vois rouge, là. Oh, bien vu, patron, hein. En effet, c'est des pommes de terre rouges et origine France, hein. Ah, oh, y'a pas à dire. Ils ont la patate. Ah, oh, purée, qu'est-ce qu'on est mal ? Très mal, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 35-55, variété chérie ou franceline, origine France. Allopneu.com. Difficile de choisir le bon pneu ? Le pneu Michelin Cross Climate s'adapte à toutes les conditions. Hiver comme été, avec le pneu Michelin Cross Climate, vous êtes en sécurité toute l'année. Commandez, faites monter vos pneus Michelin Cross Climate sur allopneu.com. Chez allopneu.com, nous avons en permanence plus de 600 000 pneus en stock, et forcément le vôtre. Jusqu'au 27 septembre, achetez 4 pneus Michelin Cross Climate et bénéficiez du montage offert. La sécurité par tous les temps avec Michelin. Conditions sur allopneu.com. Allopneu.com. Vente et montage de pneus. RMC jusqu'à 10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Il est 8h22, c'était RMC le week-end des experts. La maison, Christian. Christian, oui. Christian, oui. Christian. Oui. Un mot quand même sur cette perceuse électrique que nous allons offrir, que nous allons vous offrir ce matin. Vous qui nous écoutez, attention parce que là c'est vraiment du beau matériel. Oui, c'est du beau matériel et c'est très très récent, hein. C'est sorti il y a quelques semaines seulement. Ouh là là là là. C'est là une perceuse sans fil Black & Decker AutoSense, c'est-à-dire que dont le couple s'adapte automatiquement en fonction de, du travail que l'on réalise. Il y a un mandrin auto-serrant, évidemment, 10 mm d'ouverture. Et c'est livré avec deux batteries lithium-ion, qui sont des 18 volts, 1,5 ampère-heure. Ça, c'est déjà très, très bien. Oui. Vous ne tomberez jamais en panne, puisqu'il faut penser, évidemment, à recharger la deuxième batterie pendant que vous utilisez votre perceuse, et puis ainsi de suite. Mais il y a aussi une mallette et 160 accessoires, dont une panoplie de mèches bois, de mèches béton, de mèches métal. Il y a 40 embouts de vissage, dévissage, et oui. Puis il y a même quelques vis et quelques chevilles. C'est un très beau cadeau. Et ça vous est offert par, évidemment, Black & Decker, mais surtout RMC et le magazine System D. Pour emporter ce cadeau, c'est simple. Vous nous envoyez dès maintenant le mot maison par SMS au 732-16. Vous tapez maison, voilà, sur votre mobile. Vous envoyez ça au 732-16 et vous laissez le hasard faire les choses. On vous souhaite bonne chance. Et on accueille Aimé donc maintenant. Bonjour Aimé. Bonjour, merci d'avoir reçu ma question. Je vous en prie, on vous écoute. Alors, je voulais, j'ai dit brièvement qu'il s'agit du plafond de ma terrasse. Ah. Qui est sous le toit quand même, il est couvert par un toit, hein. Mais il semblerait que le, enfin moi j'ai interprété que c'était peut-être l'enduit qui s'écaillait, et cette dégradation suit quand même les joints du placo qui est dessous. Non mais attendez, vous me parlez d'une terrasse et vous me parlez oui. de plaque de plâtre, je comprends pas bien là. Le plafond, mais c'est pas une terrasse, c'est-à-dire en dessous de votre terrasse, je comprends pas. La terrasse a un plafond, c'est une loggia, alors c'est pas une terrasse. Oui, c'est une loggia, si on veut. Elle n'est pas fermée, hein, elle est ouverte. Elle est ouverte. Et votre plafond, il est en plaque de plâtre? J'ai l'impression que ce que je vois à travers l'enduit qui est dessous, c'est du verre. Alors je me suis dit que c'était du placo. Oui, placo, façon placo marine, des choses comme ça, mais c'est, oui, il refuse, mais enfin, bon, c'est extrêmement surprenant parce que bon, normalement, là, qu'est-ce que vous avez au-dessus? Vous avez un grenier? Je comprends pas bien, là. Rien du tout, il y a le vide, enfin, le toit qui se termine là, sur le bord du, ouais, de la terrasse. C'est donc une avancée de toit. Ça me paraît un peu surprenant comme conception. Et, qu'est-ce que vous avez, vous me dites que ça s'écaille, ça fait quoi? Oui. C'est écaillé. J'ai envoyé une photo, je ne sais pas si ça se voit sur la photo. Je n'ai pas là sous les yeux. Mais... C'est écaillé presque tout de suite, si vous voulez, dans les mois qui ont suivi. Et vous êtes en garantie décennale? Vous êtes quoi? C'est un appartement? J'ai les garanties, la dommage ouvrage et tout. Oui, attendez, quel âge a votre maison? Elle date de 2000. Ah bah donc c'est fini, de toute façon, vous n'êtes plus dans la décennale, tout ce que vous pourriez avoir comme garantie, c'était jusqu'en 2010, hein. Donc maintenant, c'est cuit, si j'ose dire. Bon, si ça n'est que décoratif, en plus, ça ne sera pris par aucune garantie, même si vous étiez dans la décennale, puisque ça ne serait que décoratif. Mais je les avais consultés à l'époque. Hein, mais vous avez consulté, vous avez envoyé une lettre recommandée, accusée de réception, tout. Oui. Bon, vous pouvez toujours recontacter votre constructeur, puisque je pense que c'est directement le constructeur, lui dire que vous aviez fait des réserves et lui demander de procéder donc à la rénovation. Je sais pas si ça marchera, mais enfin vous pouvez toujours essayer. Oh, hein. Et puis si c'est simplement une peinture, il faut la décaper. Mmh. Ce qui n'est pas facile si c'est de la plaque de plâtre. Je me rends pas bien compte, évidemment, c'est un peu difficile à distance, hein, de pouvoir diagnostiquer cela. Ce que vous avez, vous pouvez aussi recouvrir ça de, par exemple, de lambris PVC. Et donc à ce moment-là, vous n'aurez aucun souci avec l'humidité, les embruns, je ne sais pas en quelle position vous êtes, mais ça sera la meilleure solution. Vous pouvez aussi y poser une toile de verre et puis repeindre dessus, mais je pense que la première solution sera la meilleure. Merci beaucoup Aimé. Christian, bientôt 8h30, météo, info, on revient. Bien entendu, je vous rappelle que tout à l'heure, on va parler de la qualité de l'air intérieur. Vous avez des questions sur ce sujet? Exactement. Vous avez des questions, le 32-16, on vous attend. À tout de suite. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, Votre Maison sur RMC. Monoprix. tu sais que tu es l'ami de la nature quand le soir tu parles à ton ficus pour lui raconter ta journée. Et tu sais que tu es encore plus l'ami de la nature quand tu reçois 10 euros en bon d'achat Monoprix et que tu t'empêches de crier ta joie parce que ça fait trop de rejets de CO2. Du 22 au 25 septembre chez Monoprix, pour 50 euros d'achat dans les rayons alimentaires, recevez 10 euros en bon d'achat valoir sur tout le magasin jusqu'au 2 octobre. Monoprix. Conditions et magasins participants sur monoprix.fr. Peux-tu me dire pourquoi tu as choisi la Freebox Révolution ? Mais bien sûr que je peux te le dire. Pour son lecteur Blu-ray inclus et ses appels vers les mobiles. Ah oui. Plus d'infos sur free.fr ou 1044. Merci Free. Martin, il a quel âge ton papa ? 55%. Oh la chance ! Et le tien ? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter ? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins, quand ils font leur anniversaire, eh ben c'est pas la fête. Hein. Et puis il y a l'anniversaire La Paire, avec une ambiance de folie et un festival de petits prix. Jusqu'au 2 novembre, c'est l'anniversaire La Paire, avec des offres à tomber. Par exemple, 25% de remise sur une sélection de portes de douche. Moins 25% sur les portes de douche. L'anniversaire La Paire, forcément il n'y en a pas deux. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Depuis des mois, vous attendez cette série. Elle vous obsède. Vous donneriez tout pour la voir. Alors réjouissez-vous. Les séries limitées MyCanal sont au programme dans tout le réseau Seat. Seat Ibiza et Seat Leon MyCanal. Des Seat suréquipés avec GPS et caméra de recul à partir de 159€ par mois. Pour une Seat Ibiza MyCanal, location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ suivi de 36 loyers de 159€ sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre valable jusqu'au 30 septembre. Conditions sur seat.fr. La météo sur RMC, la météo de votre week-end avec Jean-Baptiste Bergès, bonjour. Bonjour François, bonjour tout le monde. Alors quelques nappes de brouillard vous accompagnent ce matin à l'est du pays et en Ile-de-France, mais ça va très vite se dissiper puisque dans l'ensemble, la journée s'annonce très estivale avec des températures en hausse et du ciel bleu pour tout le monde. Seul bémol pour la Bretagne. Alors pour l'instant, il fait plutôt beau, notamment dans les Côtes d'Armor, mais le vent souffle déjà fort sur la pointe finistérienne. Il devrait souffler jusqu'à 70 km/h aujourd'hui et un voile nuageux de plus en plus intense va s'imposer au fil de la journée sur l'ensemble de la région. Ce sont les prémices de la perturbation qui se prépare sur l'Atlantique et qui n'attend qu'une chose, se déverser sur le pays. Et bien la pluie, ce sera pour demain. En attendant, profitez de cette belle journée. Température encore un peu fraîche ce matin par endroit. 6 degrés à Strasbourg, mais 20 degrés déjà à Nice. Et cet après-midi, ça remonte. 24 degrés en Alsace. Il fera aussi 24 degrés sur les bords de la Manche. 25 à Lyon, 26 à Marseille, 27 à Limoges, 31 à Bordeaux pour les maximales. C'est entre 4 et 8 degrés au-dessus des normales de saison. Demain, dimanche, nous perdrons jusqu'à 10 degrés. Très bon week-end. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. RMC 8h30. Un point sur l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Deux défaites après 7 journées seulement. C'est autant que la saison dernière, le football et le PSG qui rentrent dans le rang. Défaite 2-0 à Toulouse hier soir, la suite de la 7e journée. Et c'est aujourd'hui avec pour commencer le déplacement de Lyon à Lorient. L'actualité de la nuit, c'est cette fusillade aux États-Unis. 3 personnes tuées, le premier bilan à l'ouest du pays dans l'état de Washington. Très peu de précisions pour les moments. On sait juste que la fusillade a éclaté dans un centre commercial. À l'étranger, la trêve définitivement enterrée en Syrie. Depuis hier, la ville d'Alep, ville tenue par les rebelles, fait l'objet d'un déluge de bombes jamais vu jusqu'ici. Opération menée par le régime de Bachar el-Assad et aidée par les Russes en vue d'une opération au sol imminente. Au Gabon, la validation par le Conseil constitutionnel sur place, validation de l'élection d'Ali Bongo. Les premiers résultats du scrutin avaient provoqué une vague d'émeutes meurtrières dans la capitale Libreville notamment. L'armée française totalement rééquipée, annoncée hier soir de la Direction Générale de l'Armement, terminée le FAMAS. C'est de fusils allemands dont vont être munis les soldats, polémique justement sur le fait qu'ils ne soient pas fabriqués en France. Encore très peu de détails, ce matin à Pantin, une mère de famille tuée par balle, c'était arrière soir, tuée de 2 coups de feu, alors qu'elle était au volant de sa voiture, le tireur a pu prendre la fuite. Et puis journée ville morte, tous les commerçants appelés à fermer leur rideau aujourd'hui à Belfort, mouvement lancé par la mairie de la ville en soutien aux 480 salariés de chez Alstom dont la fermeture est prévue d'ici 2018. 8h31 sur RMC, votre maison, vous êtes avec Christian Pessé et François Sorel, messieurs. Monsieur Thomas Chupin, merci. Et vous revenez à 9h. À tout à l'heure. Pour un point complet sur l'actualité. Le 32-16, bien sûr, pour nous joindre. N'hésitez pas. C'est la maison. Jusqu'à 10h sur RMC. À tout de suite. Si vous avez raté quelque chose, RMC a tout prévu. Tous les jours s'écoutent aussi en podcast sur les applis et sur rmc.fr. Attention, Christian PC. Oui, François Sorel. Justine est en approche. Attention, ah, Justine. Justine qui nous a appelé au 3216 et qui aimerait avoir une petite réponse à sa belle question. C'est la question flash. Justine nous dit ceci. Je voudrais économiser l'eau à la maison. Oui, oui. Quels sont les équipements que vous me conseillez pour y parvenir, Christian? Alors, il y a évidemment différents systèmes simples et puis surtout des comportements, mais il y a différents systèmes qui permettent de réduire la consommation. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Il y a le mousseur aérateur de nez de colle de cygne. Le mousseur aérateur. Voilà, qui, ou de robinet, qui donc se visse à la place de la petite grille que vous avez en bout de robinet et qui donc va ajouter de l'air à l'eau, va brasser en quelque sorte, et ça va vous permettre de réduire pratiquement de moitié là votre consommation. On va passer d'un débit de 12 à 6 litres minute. Il y a aussi le mitigeur à double débit. Alors maintenant c'est presque obligatoire sur tout, c'est-à-dire que mais les anciennes n'en ont pas forcément, donc il vaut mieux le remplacer. C'est comme vous savez la poignée de votre mitigeur, eh bien, il y a un moment où il y a un cran. Alors, évidemment, quand vous avez le cran, vous savez qu'il ne faut pas aller plus loin. Ouais. Le stop-douche, c'est pas mal non plus. Le stop-douche? Ouais, entre le bout du flexible et la douchette, un bouton. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau qui coule. Voilà, c'est ça coupe le débit. Il y a quand même un petit filet parce que sinon, ça risquerait d'être abîmé. Et donc, là, vous arrêtez votre débit de douche et vous rappuyez quand vous voulez à nouveau avoir l'eau. C'est plus simple que d'agir sur le robinet. Il y a des réducteurs de débit également qui peuvent se mettre donc directement sur les douchettes, ça existe. Le mitigeur thermostatique, là, ça évite le gaspillage parce que ça réduit le temps de réglage de la température d'eau, donc ça évite le gaspillage d'eau chaude. Il y a aussi le robinet temporisé, celui qui se met en marche automatiquement lorsque vous passez les mains devant le robinet. Tout cela vous fait faire des économies. Et le 3216, bien sûr, pour nous joindre, n'hésitez pas, on est là jusqu'à 10h, comme chaque samedi. RMC, c'est au 3216. 45 centimes la minute. Et au 732-16, 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Ne cherchez pas ailleurs, vous serez déçus. Vous pouvez aller voir sur d'autres radios. Oh non, c'est pas la peine. Non, mais juste oui. Comme ça. Essayez. Pour papillonner, pour aller voir ailleurs. Mais au bout d'un moment, vous reviendrez sur RMC. Parce que vos experts du week-end vont vous manquer. Bien sûr, vous rendez compte. Seul RMC vous propose 2 heures dédiées au bricolage à la maison, à la déco. Chaque samedi, 8h, 10h. Et quand on a goûté à Christian PC, on ne peut plus s'en passer. Eh oui. Vous avez vu, ça rime presque. Ça rime, PC, ça rime, passé. Ça rime, voilà. Le 3216 pour le joindre. Sachez que tout à l'heure, on va parler de la qualité de l'air intérieur. On plaisante, bien évidemment, dans cette émission, mais ça, c'est très important. La qualité de l'air. Votre santé, vous verrez à l'intérieur. Bien sûr, bien évidemment. Il existe d'ailleurs de plus en plus d'appareils qui sont là pour mesurer la qualité de l'air à l'intérieur de la maison. Connecté, en plus. Ah, d'un seul coup, le téléphone se met à sonner. Attention, vous pouvez plus respirer. Ça va être sympa, tiens. Bon, on en parlera tout à l'heure. Le 3216, maison@rmc.fr. Dans l'immédiat, c'est Jacques que nous accueillons. Bonjour Jacques. Oui, bonjour François et Christian. Bonjour et Jacques. On vous écoute. Oui. Voilà. Alors, nous avons une maison de campagne et nous souhaiterions aménager une pièce supplémentaire. Le problème, c'est que les murs intérieurs ont été construits et crépis à la chaux. Eh oui. Donc, impossible de fixer quelque chose. Il y a des gros plâtras qui desserrent, enfin bon. Du coup, j'ai été crépis et je suis arrivé à la pierre. Ouais. Mais il reste encore beaucoup de poussière, j'allais dire. Alors, existe-t-il un produit stabilisant que je pourrais passer, je sais pas moi, au pulvérisateur ou quelque chose comme ça? Ou bien faut-il que j'envisage de crépir au ciment, ou bien faire un doublage en placo, je ne sais pas. Le doublage en placo, j'ai peur que derrière, ça reste pas stable, quoi. Non, attendez, votre pièce, elle est donc plutôt trop sèche que trop humide, si je comprends bien. Ah oui, tout à fait. Bon. Donc vous n'aurez aucun souci en mettant un doublage en plaque de plâtre. Vous pourrez même en profiter pour faire une isolation. Je ne sais pas si c'est un mur extérieur. C'est un mur qui donne sur l'extérieur que dont vous parlez. Oui. Bon, donc tout en plus, écoutez, si vous avez la misère de justement de restants, de résidus, de chaux que vous parvenez pas ou d'enduit à la moustache que vous parvenez pas à enlever parce que sinon il y a un système, hein. Vous faites un nettoyage, vous faites venir quelqu'un parce que vous le ferez pas vous-même, mais vous faites un sablage et le sablage il va enlever tous les résidus qui vont exister. Mais alors bonjour les problèmes intérieurs, vous trouvez du sable partout pendant 10 ans. Mais ça existe. Le risque c'est que votre pierre soit elle-même un peu friable et que de toute façon vous ayez aussi de l'effritement. Alors là, on peut appliquer un durcisseur. Hein. Ça existe. Hein. Vous pouvez appliquer un durcisseur. Vous parliez de pulvérisation, mais effectivement, c'est exactement ça. Et votre durcisseur va éviter que la pierre s'effrite. Donc ça existe. Mais c'est vrai que pour être le plus tranquille possible, eh bien vous avez deux solutions. Je dirais la première, c'est effectivement la plaque de plâtre. C'est la plus simple. Elle vous permet aussi de faire une isolation. Et les techniques qui sont utilisées sont parfaitement éprouvées. Vous pouvez mettre aussi du lambris, hein. Et vous pouvez mettre du lambris bois, ça peut être sympa. Et vous pouvez aussi derrière ce lambris bois, suivant le mode de pose que vous adopterez, vous pouvez aussi y mettre une couche d'isolant, ce qui vous fera aussi une isolation. Dans une maison de campagne, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a des trucs très très chouettes. Alors bon, on peut même mettre des lambris PVC imitant le bois. Mais bon, tant qu'à faire, prenez plutôt un bon lambris bois. Moi, je trouve que c'est sympa. Avec façon à l'ancienne, vous savez, un petit peu comme des voliges à peine jointives. Ça peut être une bonne idée de déco. Oui. Parce que les murs, les pierres sont très saines. Oui. C'est des gros galets de rivière. Donc, je veux dire, ça risque pas de s'effriter. Je connais. Donc, voilà. Bon. Bon, bah écoutez, c'est une bonne idée. Merci à vous. Merci, Jacques. Bonne journée, au revoir. Eh bien, vous aussi. Voilà. Merci, au revoir. Et bon courage si vous le faites vous-même. Si tout comme Jacques, vous voulez poser votre question bricolage maison déco, allez-y. Le 3216 ou maison@rmc.fr. Je vous rappelle aussi, on l'évoquait tout à l'heure, qu'on vous offre encore une fois ce matin un très joli cadeau. Cette perceuse sans fil Black & Decker AutoSense. Voilà, un très beau cadeau, d'autant qu'elle est livrée avec énormément d'accessoires. Un cadeau d'une valeur de pratiquement 150 €. Hein. C'est bien. Hein. Donc, pour remporter cette perceuse sans fil, c'est très simple. Vous jouez avec nous par SMS. Vous nous envoyez dès maintenant le mot maison. Vous tapez maison tout simplement par SMS au 732-16 et vous participerez au tirage au sort. Christian, oui. Pierre est là. Eh bien alors. Bonjour Pierre. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre. Merci de prendre ma question. Je vous en prie. Voilà, je possède au fond de mon jardin un robinet d'arrosage. Oui. Qui est alimenté par un tuyau en polyéthylène. Qui est enterré et je cherche à savoir... Quel est le trajet de ce tuyau, de façon à pouvoir connaître l'endroit où il est raccordé au réseau de la maison. Ça veut dire que c'est la même chose dans mon jardin. Et dans le but d'insérer un robinet d'arrêt afin de pouvoir isoler cette dérivation. Voilà. Est-ce qu'il y a des moyens de connaître le trajet? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre canalisation, elle est remplie d'eau? Elle est sous pression? La canalisation, c'est-à-dire que c'est le robinet de la ville, c'est l'eau de la ville que j'ai. Donc le robinet, c'est un robinet d'arrosage, mais c'est un robinet ordinaire. Quoi. Oui, non, mais je veux dire, votre robinet d'arrosage, il est en fonction. Ça veut dire que quand vous ouvrez votre robinet, il y a de l'eau. Oui, oui, et justement, j'aurais voulu pouvoir isoler cette dérivation, de façon en hiver, par exemple, de pouvoir le couper. Quoi. Bien sûr. Alors oui, c'est possible. Il faut faire venir une entreprise spécialisée qui a du matériel qui permet de repérer les canalisations d'eau, les canalisations de gaz, les canalisations électriques. Le problème, c'est que les canalisations en polyéthylène se repèrent mal, mais je pense que le fait, simplement, la masse d'eau permet de les retrouver. Moi, mon problème, il est différent, je vous l'explique. C'est que moi, j'ai effectivement, il y avait un arrosage enterré, mais il n'est plus raccordé. Donc, ça veut dire que mes canalisations sont vides, et donc là, ça devient impossible de le repérer. Mais oui, il faut aller sur Internet, taper recherche canalisation, et vous allez trouver une entreprise près de chez vous qui viendra avec du matériel, parce que ce type de matériel est tout à fait spécifique. C'est de la recherche qu'on qualifie de passive, etc. Et donc, vous pouvez pas le louer, vous ne pouvez évidemment pas l'acheter. Oui. Pardon, donc le type de société qu'il faut rechercher, c'est société recherche de canalisation. Voilà, vous faites recherche de canalisation sur Internet et vous allez voir que vous allez trouver des noms d'entreprises qui recherchent, qui font cela. D'accord, mais très bien. Mais je vous remercie beaucoup, monsieur. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Voilà, Pierre, content. Voilà, il est passé sur l'antenne d'RMC, vous lui avez répondu précisément, mais efficacement à sa question. C'est un gros problème, ces recherches de canalisation. Ça veut dire que lorsque vous faites un arrosage enterré, lorsque vous faites une adduction d'eau entre deux bâtiments, lorsque vous faites passer une ligne électrique, faites bien un plan et gardez-le dans vos papiers et mettez-le même avec par exemple l'acte de vente de votre propriété, le titre de propriété, parce que comme ça, eh bien peut-être que 15 ans, 20 ans après, le jour où vous aurez même vendu votre maison et que vous aurez un successeur, eh bien celui-là sera bien intéressé à voir toute l'implantation, les réseaux électriques et les réseaux d'eau ou d'évacuation. Profitez-en, jusqu'à 10h, vous pouvez joindre en non-stop Christian PC pour toutes vos questions bricolage maison déco. Christian qu'on retrouve aussi, vous le savez, 24h sur 24, 16 jours sur 7, sur maisonbrico.com. Avec beaucoup de vidéos maintenant. Voilà, des fiches pratiques, etc. On revient dans une minute et on poursuivra avec vos appels au 3216. Vous pouvez aussi nous joindre par mail maison@rmc.fr. Si vous nous joignez par mail, comme d'habitude, hein, je le répète, laissez-nous votre numéro de téléphone. On vous rappelle dans la foulée. À tout de suite. RMC 8h-10h, votre maison. Bon. Beaucoup de réactions après nos chroniques sur la prime éco-énergie d'Auchan, une aide allant jusqu'à 2000 euros pour financer vos travaux de rénovation énergétique. On en parle aujourd'hui avec Élise, notre spécialiste développement durable. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette prime éco-énergie Auchan ? Eh bien que c'est une aide qui peut se cumuler avec certaines aides de l'État, qu'elle est versée sous forme de prime directement sur la carte Auchan et que pour en bénéficier avant tout engagement, eh bien il faut s'inscrire au programme sur le site primeenergieauchan.fr et vérifier que vos travaux sont éligibles, comme les travaux d'isolation ou de chauffage. Et puis je crois aussi qu'il y a le choix du professionnel. Alors oui, il faut que l'artisan ou l'entreprise soit obligatoirement RGE, c'est-à-dire reconnu garant de l'environnement, et quand les travaux sont faits et le dossier validé, la prime est versée dans le mois qui suit sur votre carte Auchan. Un mot également sur le simulateur de prime. Oui, ça c'est très bien, parce qu'en moins de 2 minutes, ça permet de connaître à l'avance le montant de la prime sur le site primeenergieauchan.fr. D'ailleurs, sur ce site, vous avez toutes les informations. Merci beaucoup. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Le prix direct, c'est jusqu'à demain et c'est chez Intermarché. Pour l'achat d'un kilo de moules, de bouchons ou de Hollande, le deuxième kilo est offert. Oui, le deuxième kilo est offert. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Moules de bouchons élevés en France ou moules de Hollande élevés aux Pays-Bas, selon approvisionnement en magasin. En ce moment, avec les affaires Bricoman, des 800 euros d'achat cuisine, le plan de travail stratifié 3 mètres polyrets est offert. Offre valable du 23 septembre au 19 octobre 2016 sur caisson, façade, crédence, sévier, robinetterie, électroménager et autres accessoires cuisine. Plus d'infos sur Bricoman.fr. Ayez le bon réflexe, rapportez votre marchandise en trop, voire conditions en magasin dépôt. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies ? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de 2 produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur Conforama.fr. Monoprix, tu sais que t'es un vrai businessman quand t'arrives à vendre une tondeuse à gazon à un type qui vit dans un appartement, quoi. Ouais. Et tu sais que t'es encore plus businessman quand tu ressortes ton Monoprix avec 10 euros en bon d'achat sans même les avoir négociés. Du 22 au 25 septembre chez Monoprix, pour 50 euros d'achat dans les rayons alimentaires, recevez 10 euros en bon d'achat à valoir sur tout le magasin jusqu'au 2 octobre. Monoprix. Conditions et magasins participants sur monoprix.fr. RMC 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. h 46, le retour du week-end des experts, la maison, vos questions au 32-16. Christian Pesset est là et les attend, ces questions. Notez que tout à l'heure, entre 9h et 10h, on va changer de sujet et on va s'intéresser à la ventilation et au traitement de l'air de votre maison. Avec ce chiffre, plus de 90% des Français pensent que leur domicile est convenablement aéré, alors que c'est... une grave erreur. C'est voilà, faux. C'est faux. C'est faux. Et alors, quelles sont les conséquences? Il y en a chez qui c'est bien ventilé. Hein, bien sûr, bon. Bien sûr. Mais quelles sont les conséquences d'une mauvaise ventilation intérieure sur la maison et sur notre santé? On en parlera aussi, notamment avec un médecin et notre ami Christian Ekia qui nous rejoindra tout à l'heure. D'ici là, Bruno nous attend au 32-16. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour, bonjour. Bonjour, dites-moi, c'est un petit peu un rapport. J'ai des remontées capillaires dans une vieille maison des années 1813. Oui. Et là, il y a plusieurs, a priori, plusieurs systèmes. Donc, soit on injecte, style mur protect, on injecte des produits dans les murs, en périphérie. Et sinon, il y a d'autres systèmes que je vois, par électromagnétisme, où on met des électrodes dans les murs. Oui. Qui assèche a priori tous les murs, hein, où il y a même un autre système où il n'y a pas du tout de branchement électrique qui est complètement indépendant. Et là, on est dans la fantaisie. D'accord. Bon, alors attendez, j'ai déjà à vous dire. La meilleure façon d'éviter les remontées capillaires, c'est d'empêcher que l'eau arrive vers les murs. Donc, je ne sais pas, votre maison, c'est une maison de village, c'est une maison isolée, oui. Vous avez du terrain autour. Donc c'est une maison de village et toute une partie de la maison qui donne sur la rue. Alors, dans un petit village. Et hein. Les problèmes capillaires sont plutôt sur la façade qui est sur la rue. A priori oui quand même. Oui. Alors là vous avez généralement c'est un problème d'écoulement des eaux sur la voirie. Ça c'est très classique. J'ai un ami qui avait cela et le jour où la municipalité a accepté de revoir le problème des caniveaux, revoir aussi l'étanchéité, enfin c'est-à-dire le revêtement, ça a disparu. Donc c'est la première des choses que vous devez regarder. D'accord. S'il n'y a pas vous n'avez pas un caniveau fendu, parce que finalement la voirie canalise l'eau. Et si vous avez une perte d'étanchéité au niveau de votre maison, l'eau passe dans le sous-sol, ou dans le sol, quoi, oui, dans le sous-sol, et donc remonte ensuite par capillarité. Les différents systèmes, alors ça, c'est toujours extrêmement, extrêmement difficile à percevoir et à savoir lequel sera le meilleur. Vous avez évoqué les injections de résine, ça marche dans un certain nombre de cas. Je trouve que c'est toujours extrêmement onéreux, mais ça marche à condition que votre pierre, moi c'est la philosophie que j'ai, à condition que la pierre de votre maison soit suffisamment poreuse et que ça ne soit pas par exemple du granit où là, eh bien les résines ne migrent pas dans la pierre donc il faut voir la nature déjà de votre pierre pour savoir si ça a des chances de marcher. Les phénomènes d'inversion de polarité et donc d'électromagnétisme, j'ai longtemps été extrêmement réservé. Mais pourquoi je reste extrêmement réservé, c'est que il y a des marchands du temple là-dedans et il y a beaucoup de matériel qui ne sont que de la poudre aux yeux. Ceci étant, sur le principe, ça existe, ça marche. Notamment, on sait que ça marche, c'est utilisé dans un certain nombre d'ouvrages de type souterrain de tunnel de train par exemple, tunnel ferroviaire. Tout ça, ça existe. Alors là, il faut trouver effectivement la bonne société et des gens sérieux. Et ça court pas les rues. Mais surtout, ne vous faites pas avoir avec les petits systèmes machin bidule avec une pile et puis ou même pas de pile du tout. Ça n'existe pas en revanche. A priori, je regardais, il y en a, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Mais ça peut. Et d'après eux, ça fonctionne, sûr, quoi. Bien sûr. Mais enfin bon, ça c'est quand même de la haute technologie, hein. Merci Bruno. Et après Bruno, nous accueillons Lucas, mon cher Christian. Lucas qui nous a appelé au 3216. Lucas de Haute-Savoie. Bonjour Lucas. Bonjour. Bonjour. Tout va bien Lucas? Ben ça va. Il fait beau, c'est cool. Bon, c'est parfait. C'est bien. Vous avez un petit barbecue là aujourd'hui? Non, il fait frais quand même. Ah, il fait frais. Ah oui, ouais. Parce que vous êtes en Haute-Savoie, vous êtes en hauteur là? Non, je suis à Annecy. Annecy, d'accord. Ouais. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Lucas? Racontez-nous. Bon, rien de fou. Mais en fait, j'avais une question. C'était par rapport, justement à cet hiver là qui s'annonce pour le renouvellement de l'air. Du coup, quand j'ouvre mes fenêtres ou quand je fais mon ménage, est-ce que je coupe ma chaudière ou est-ce que je la laisse en marche pendant que j'ai mes fenêtres ouvertes? Parce que j'aimerais savoir en fait ce qui fait consommer le moins, parce que quand je relance ma chaudière, c'est ce que j'ai fait l'hiver dernier, j'avais l'impression de consommer énormément de gaz. Bah écoutez, de toute façon, je pense que vous laissez pas vos fenêtres ouvertes toute la journée. Donc, je sais pas pendant combien de temps vous ouvrez vos fenêtres pour faire le ménage, mais normalement, ça n'a pas une incidence directe sur le chauffage. Faut pas exagérer. C'est pas parce que vous ouvrez un quart d'heure votre fenêtre que ça va, qu'il est nécessaire d'arrêter votre chauffage. Donc moi je laisserai filer. Simplement ce que vous pouvez faire, c'est réduire à vos robinets la chaleur, la température du liquide caloporteur. Vous avez des radiateurs de chauffage central, j'imagine. Oui, tout à fait. Bon, bah réduisez la température pendant la période où vous ouvrez vos fenêtres, mais vous ouvrez vos fenêtres pendant combien de temps? Bah une heure au moins. Une heure, oui, mais c'est pas forcément. On verra tout à l'heure. On en parlera avec des spécialistes. Mais vous n'avez pas de, il n'y a pas de VMC dans votre maison. Ben, elle est dans la cuisine. Donc, oui. Après, j'ai des barrettes à toutes les fenêtres. Oui. Alors, au niveau de la ventilation, je dirais si ça marche bien, si c'est en bon état, on aura effectivement l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et écoutez-nous après 9h. Il est clair que ça suffit. Vous n'avez pas un véritable besoin d'ouvrir les fenêtres pendant une heure. Hein. Là, c'est la ceinture et les bretelles. Donc, vous n'avez pas besoin d'ouvrir pendant une heure. Vous ouvrez pendant un quart d'heure pendant que vous faites le ménage, si vous voulez. Mais normalement, votre VMC doit être suffisante. Ventilation mécanique contrôlée doit être suffisante. Depuis non, pour un quart d'heure, par exemple, si vous laissez votre fenêtre ouverte pendant tout l'après-midi, évidemment, vous pouvez arrêter, mais n'arrêtez pas votre chaudière. Arrêtez, fermez tout bêtement les radiateurs de la pièce concernée. D'accord, ok. Ben oui. D'accord. Oui, ok, ça marche. Allez, j'arrête de tout la chaudière, alors, super. Non, n'arrêtez pas votre chaudière, c'est parfait. La chaudière, on l'allume en début de saison, on la ferme en début de saison, en fin de saison. Parfait, merci beaucoup, Lucas. Le 3216, bien sûr, pour toutes vos questions, mais aussi le mail, maison@rmc.fr. La question de Dan, Christian, le rendu de notre peinture ne nous satisfait pas. Ah oui. La texture de notre enduit farine, pouvons-nous repeindre directement par-dessus cet enduit ou devons-nous enlever entièrement ce que nous avons fait il y a 2 ans? Eh oui. Il faut tout enlever? Ben oui, parce que si ça farine en plus, c'est qu'il y a un problème. Alors ça dépend ce qu'on appelle fariner, mais fariner en général, ça devient pulvérulent, donc il y a de la poudre en surface. Ben vous allez voir que. Et puis quand c'est fariné, c'est pas du gâteau. Voilà, hein. C'est pas du gâteau. Eh oui, on va avoir du boulot là. Il fait bon, oui, vaut mieux tout enlever, et puis on recommence ou ce que j'évoque souvent, ou bien faire un doublage. Et comment on enlève tout ça là? Bah, ça dépend de la peinture. Là, si c'est une peinture badigeon, on peut travailler à l'éponge. Et à l'éponge gratte-gratte. Donc à l'huile de coude. À l'huile de coude, bah oui, c'est toujours de l'huile de coude, de toute façon. D'accord. Mais là, c'est ou alors, on essaie d'y remettre, on va passer un coup de lessivage, et puis on va remettre un fixateur, une sorte de produit qui va durcir le fond. Ah oui. Ça existe aussi. Mais bon, après, il faut voir à ce que la peinture que vous allez remettre dessus soit compatible et adhère bien sur votre surface. Donc, essayez déjà dans une partie discrète. C'est toujours ce que je dis. C'est-à-dire que si vous avez un derrière de porte, des choses comme ça, eh bien, vous essayez là. C'est pas la peine d'attaquer en plein panneau et puis après, catastrophe, c'est moche. Ouais, ça c'est clair. Oui, d'autant que voilà, ça n'a que 2 ans, hein. Oui, les travaux chez Dunn, c'est surprenant. C'est surprenant. Alors attention à toutes les peintures entre guillemets naturelles, oui, les enduits à la chaux et autres dont la pérennité n'est pas garantie. Vous savez, lorsqu'on me dit ah bah oui, il y a 5 ans j'ai fait une peinture à la chaux mais elle tient pas, mais c'est normal parce que de toute façon c'est pas fait. C'est lorsqu'on en mettait dans les étables puisque c'était principalement là où on en mettait. Dans les étables. Bah oui, les peintures à la chaux. C'était pour les animaux, pas pour vraiment pour les hommes. Bon, il y en avait qui on pouvait en mettre en intérieur, mais ça tenait pas longtemps. Quoi. Ça tient 4-5 ans et c'est bon à refaire. Alors on lessive et puis on recommence. On recommence. Merci beaucoup Christian. Bientôt 9h. On va retrouver la météo, les infos bien sûr, et puis on reviendra pour notre deuxième partie dédiée à la maison. On va s'intéresser à la ventilation et au traitement de l'air de votre maison. L'air intérieur, c'est très important pour la santé. On en parle dans quelques minutes avec des experts et Christian bien sûr. Et vos questions, vos témoignages au 32-16, à tout de suite. RMC, 8h-10h. Dommage, on s'est cramé. Votre maison.

À l'entrée de la ville, une immense bâche donne le ton. Belfort, ville morte, soutien aux Alstom, est écrit en rouge sur fond blanc. Une affiche qu'on retrouve aussi sur la porte de l'épicerie de Jennifer. Cet après-midi, elle va fermer son magasin. C'est les soutenir pour faire bouger et réagir rapidement, parce que sinon Belfort va être malheureusement un pays mort s'il n'y a plus ces emplois-là. Car c'est toute la ville qui pourrait sombrer avec les salariés d'Alstom, affirme le maire Les Républicains de Belfort, Damien Meslot. Alstom, c'est 137 ans d'histoire à Belfort, et cette fermeture qui va toucher 1300 emplois directs et indirects va avoir un impact terrible sur l'économie locale, sur une ville de 50 000 habitants. En plus de l'opération Ville Morte, une manifestation est prévue à 14h dans le centre de la ville, où plus de 2000 personnes sont attendues, selon les syndicats d'Alstom. Le reportage à Belfort d'Antoine Perrin. Elles ont pris le bus ou l'avion ce matin, direction le Vatican. 58 familles de victimes des attentats de Nice le 14 juillet dernier, reçues aujourd'hui à midi en audience privée par le pape François. La Société Générale dans le viseur de la justice et celui du gouvernement également. La banque jugée en partie responsable du fiasco Jérôme Kerviel. Hier, le trader a été condamné à rembourser les pertes. Oui, mais seulement 1 million d'euros. La cour d'appel de Versailles a jugé la Société Générale en partie responsable des pertes subies à l'époque. Résultat, Claire Checaglini, le gouvernement se demande s'il ne va pas demander le remboursement des aides octroyées à la banque après le scandale. Ce cadeau fiscal avait été accordé en deux fois, en 2009 et 2010, à la Société Générale. La loi prévoit en effet qu'une entreprise bénéficie d'une créance d'impôt lorsqu'elle est déficitaire et victime de fraude. Encore faut-il que cette fraude ait été commise à l'insu de ses dirigeants et que ses dirigeants n'aient pas été à l'origine de la perte. C'est ce que précise la jurisprudence du Conseil d'État en la matière. Or, selon la Cour d'appel de Versailles, la Société Générale a une responsabilité partielle dans les 4,9 milliards d'euros perdus. Alors, doit-elle rembourser le fisc? Le dossier est à l'étude à Bercy, c'est ce qu'a fait savoir Michel Sapin dans un communiqué hier après-midi. Quant à la banque, elle assure qu'elle n'a jamais sollicité de régime particulier. Les précisions de Claire Checaglini. À l'étranger ce matin, très peu de détails pour l'instant dans l'ouest des États-Unis. Nouvelle fusillade dans un centre commercial, c'était cette nuit dans l'état de Washington. 3 morts, c'est le premier bilan, Philippe Gasso. Eh bien oui, c'est dans un centre commercial de la ville de Burlington, dans l'état de Washington, que la fusillade a eu lieu. La police poursuit maintenant un jeune homme de type sud-américain qui a réussi à s'enfuir. Il est armé, il a tiré, il est donc dangereux. Les secouristes ont été autorisés à rentrer dans le centre commercial sous escorte policière pour soigner un nombre encore indéfini de blessés. Les caméras de surveillance ont pu filmer un homme, probablement le tireur, que la police tente maintenant d'identifier. La population est invitée à rester chez elle tant que la chasse à l'homme se poursuit. C'est la seconde fois en moins de 8 jours qu'un centre commercial est pris pour cible aux États-Unis. Philippe Gasso, le correspondant d'RMC aux États-Unis. Au Gabon, la validation par le Conseil constitutionnel sur place, validation de l'élection d'Ali Bongo. Les premiers résultats du scrutin, c'était fin août, avaient provoqué une vague d'émeutes meurtrières dans la capitale Libreville notamment. Sauver les éléphants, les rhinocéros, bref, toutes ces espèces menacées par le trafic. C'est l'ambition d'une convention internationale qui s'ouvre aujourd'hui en Afrique du Sud, à Johannesburg. 182 pays représentés pour lutter contre un trafic au bilan dramatique, selon Pascal Canfin, directeur de WWF. On en est encore là parce que d'une part, il y a beaucoup de corruption dans un certain nombre de pays africains où vivent justement les éléphants ou les rhinocéros. Et il faut savoir que le trafic d'espèces menacées, c'est le 4e trafic au monde. Ce qui donne une idée de son ampleur malheureuse, dramatique pour les espèces, mais aussi très importante en termes économiques. Donc c'est un business très très lucratif. Ce qui fait que, évidemment, pour lutter contre cette activité économique illégale, eh bien, il faut des moyens, il faut des gardes, il faut de la volonté politique. Pascal Canfin, interrogé par Elisa Bertholomé. Le risque de tension très vive à Lille ce samedi. 17h cet après-midi, l'inauguration qui fait polémique, celle d'un cercle privé ouvert par Génération Identitaire. Mouvance des jeunesses d'extrême droite à l'abri des regards. Le local va ouvrir ses portes. Mais en même temps, cet après-midi, les militants antifa d'extrême gauche ont prévu de manifester. Lionel Top, concrètement, à quoi devrait ressembler ce local polémique? L'établissement, discret, est situé dans une arrière-cour à deux pas de la Grand Place. Pas d'enseigne visible, mais une fois à l'intérieur, le ton est donné. Des affiches, on est chez nous, ou encore chassons les islamistes sont présentes sur les tables. Aurélien Verassalé, porte-parole de Génération Identitaire. C'est avant tout un lieu de vie pour les patriotes sincères. Ce sera également une permanence juridique et sociale, un ciné-club, une bibliothèque, une salle où seront organisées des conférences. Les thèmes sont multiples, la culture flamande bien sûr, l'islamisation, l'immigration massive. Une maison de l'identité, comme il l'appelle, qui n'est pas la bienvenue. Laura vit dans le quartier. Je trouve ça honteux et j'espère juste qu'il sera vide, quoi. C'est pas mes valeurs et puis surtout, ça m'étonnait que ce soit même possible d'ouvrir un truc comme ça. Je pensais que c'était pas officiel, que c'était relativement officieux, mais en fait non, c'est crier haut et fort et si ça marche, oui, c'est inquiétant. Et Martine Aubry se dit particulièrement vigilante et promet qu'elle prendra des mesures au moindre trouble à l'ordre public. Le reportage de Lionel Top, correspondant RMC à Lille, 9h06 sur RMC. En l'espace de 7 journées de championnat, Paris a perdu autant de matchs que toute la saison dernière. Le PSG n'écrase plus tout sur son passage. Défaite 2-0 hier soir à Toulouse. Le TFC deuxième au classement et son coach Pascal Duprat ravi. Quand on gagne contre le Paris Saint-Germain, on ne peut qu'être satisfait du comportement des joueurs, satisfait du comportement d'ensemble, du public également. On aime ce sport pour vivre des moments comme celui-ci, comme depuis beaucoup de fois maintenant ici au stadium. On essore nos adversaires et on les bat sur la fin. La suite de cette septième journée, c'est aujourd'hui. Ça commence à 17h avec le déplacement de Lyon à Lorient. Lyon qui reste sur une victoire 5-1 face à Montpellier et qui s'appuie sur Corentin Tolisso, joueur en pleine confiance selon son entraîneur Bruno Genesio. Quel que soit le poste qu'il occupe, il est performant. Il faut qu'il continue, à travailler, qu'il continue à progresser, parce qu'il a encore des progrès à faire. Mais c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir ce genre de joueur. Et quand on sait encore tous ceux qui sont absents, ça nous laisse augurer de bonnes choses si on passe les trois matchs qui arrivent du mieux possible. Et on pourra ambitionner, après la trêve internationale, de revenir dans des eaux qui sont plus conformes à ce qu'on attend. Bruno Genesio avec Edouard. J'ai le football, c'est aussi de l'autre côté de la Manche. Aujourd'hui, la Première Ligue et un choc Arsenal-Chelsea, match à suivre cet après-midi sur SFR Sport 1. Et puis le rugby, sixième journée de top 14 tout le week-end. Et ce matin, nous sommes à Toulouse qui reçoit le Stade Français aujourd'hui. Pourquoi Toulouse? Parce que le club est en convalescence. Oubliez les titres en championnat et en Coupe d'Europe des années passées. Toulouse est aujourd'hui 11e au classement. Mais le coach Hugo Mola ne s'inquiète pas. À chaque fois, à chaque changement de génération, on est passé par ces moments-là. 20 ans de succès comme ça, ça reste à ce jour inégalé et je pense inégalable. On verra si les grands argentiers du rugby sont prêts à cracher pendant 20 ans pour avoir des titres, mais toujours est-il que le Stade Toulousain doit retrouver un mode de fonctionnement qui sera celui des années 2016 et plus, et pas celui du passé, parce que le passé, on n'y peut plus rien. Je suis désolé de vous le rappeler, mais le passé, on n'y peut plus rien. Voilà le coach toulousain Hugo Mola, au micro de Wilfried Templier, 9h08 sur RMC Les Courses, pour terminer le quintet à Auteuil cet après-midi, François Sorel. Et avec les pronostics, bien évidemment, de la Dream Team RMC, Sébastien Darras nous conseille le 9 Viking Maker et le 12 Bandit d'Aîné. Brahim Asloum aime beaucoup le 10 Kialko et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 14 Messire Fontenay et le 13 Urgent de Greggen. Le 9, le 12, le 10, le 14 et le 13. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Il est 9h09, c'est RMC dans un instant. Deuxième partie de notre rendez-vous maison avec toujours Christian PC à mes côtés. On va parler de la qualité de l'air à l'intérieur de la maison. C'est capital. Nos invités vont pouvoir répondre à toutes vos questions dès maintenant au 32-16. À tout de suite. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Ah désolé, j'étais mal garé. T'as pris une prune ? Ah bah non, les prunes c'est chez Lidl. Aujourd'hui, la barquette d'un kilo de prune rouge Origine France, ils la font à 1,59€. Quoi ? 1,59€ le kilo de prune Origine France ? Ah oui, des rouges en barquette. Et c'est le vrai prix, hein. Et comme d'hab, patron, bah... comme d'hab, on compte pour des prunes. On est mal. Et très mal, oui. Comme d'hab. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Variété selon magasin, catégorie 1, calibre 40-50, Origine France. Difficile de choisir le bon pneu ? Le pneu Michelin Cross Climate s'adapte à toutes les conditions. Hiver comme été, avec le pneu Michelin Cross Climate, vous êtes en sécurité toute l'année. Commandez, faites monter vos pneus Michelin Cross Climate sur allopneu.com. Chez allopneu.com, nous avons un large choix de pneus, toutes les grandes marques pour tous les véhicules. Et ce choix, vous y avez accès 24 heures sur 24 sur allopneu.com. Jusqu'au 27 septembre, achetez 4 pneus Michelin Cross Climate et bénéficiez du montage offert. La sécurité par tous les temps avec Michelin. Conditions sur allopneu.com. Allopneu.com. Vente et montage de pneus. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Bon, la fin de chantier est dans 10 jours. Il reste quoi à faire ? Il faut couler la dalle, monter les murs, poser les planchers et faire les enduits. Ok, alors on se dépêche. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Master est à 199€ par mois sans apport. Tout est inclus, entretien, garantie, assistance. Loyer Tax Crédit Bail maintenant 60 mois, 80 000 km pour Master Fourgon. Sous condition de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa, voir Renault.fr. RMC jusqu'à 10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Voilà, 9h11, c'est RMC. Le week-end des experts se poursuit. Deuxième acte de notre rendez-vous maison, toujours avec Christian Pesset, notre expert dans le domaine du bricolage de la maison, de la déco. Et Christian, pour cette deuxième partie, on va parler du traitement de l'air dans la maison. Oui, on va parler du traitement de l'air et globalement, je vais dire principalement de la ventilation et du renouvellement de l'air de la maison. Et un sondage récent, on va le voir, Opinionway, révèle que plus de 90% des Français pensent que leur domicile est complètement aéré. Et bon, pour beaucoup d'entre eux, sans doute qu'ils se trompent, c'est une grave erreur. Alors, quelles sont les conséquences d'une mauvaise ventilation intérieure sur la maison et sur notre santé ? On aura Christian Reca pour nous en dire quelques mots sur le sujet. Quel est le rôle d'une VMC, finalement, la ventilation mécanique contrôlée ? Quel type choisir ? Faut-il l'entretenir ? Et comment ? Toutes ces questions, on va pouvoir les traiter avec nos invités. Nous avons en studio Michel Bénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marché habitat chez Aldès, qui est spécialiste de la ventilation intérieure des maisons. Nous avons André Buchmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'OQAI, Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Et j'ai vu sur votre site un guide sympa qui est les bons gestes pour un bon air. Et on va avoir différents intervenants au téléphone. Et d'ailleurs, on va commencer par Christian Van de Beek, qui est directeur marketing Clim chez Atlantique. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Julien Van de Beek. Julien, qu'est-ce que j'ai dit, Christian? Oui, excusez-moi, oui, c'est Julien. Mais c'est classique, je mélange les prénoms. Voilà. Bonjour Christian. Bonjour. Vous venez de commanditer un sondage Opinionway, je l'ai sous les yeux, sur la qualité de l'air, c'est les Français et la qualité de l'air. Alors le premier résultat, je l'ai déjà annoncé d'une certaine façon, c'est que 93% des Français pensent que leur domicile est convenablement aéré. C'est assez inquiétant, non ? Oui, tout à fait. Inquiétant, oui, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ils pensent aérer sur des motifs qui ne sont pas les bons. En fait, alors déjà, pour rappeler pourquoi nous, on a fait cette étude, le métier de l'Atlantique, c'est le métier de la ventilation, et l'essence première de la ventilation, c'est d'apporter une bonne qualité d'air. Et nous, ce qu'on a voulu comprendre, c'est de mettre en perspective, en fait, les problématiques de la qualité d'air, avec la perception des particuliers dans leur logement, et puis leur comportement. Et c'est vrai qu'ils sont à 90% à penser que ils ont des actions sur leur qualité d'air à l'intérieur qui sont suffisantes pour avoir une bonne air. Mais en fait, quand on regarde dans l'étude, les raisons pour lesquelles les Français le font pour des motifs qui sont, je vais dire, visibles. Alors, je ne sais pas si visible est le bon terme, mais en fait, ils vont aérer une pièce quand ils vont constater des problèmes d'odeur, parce qu'ils vont avoir cuisiné ou parce qu'ils veulent aérer une chambre. Mais en fait, il y a beaucoup de sources de polluants qui ne sont pas visibles. Et dans ces sources de polluants, on peut citer tout ce qui est composé organique volatile. Voilà, les COV qui sont dégagés par tout ce qui est par le mobilier, par des revêtements de sol ou la peinture qu'ils vont pouvoir mettre chez eux. Et tout ça, c'est invisible. Et aussi tout ce qui est lié à l'activité humaine. Hein. Quand on est présent dans une pièce, il y a bien sûr le CO2 qu'on dégage. Mm-hmm. Effectivement, tout ça, ils peuvent pas le noter. Donc, ils vont pas avoir d'action pour pouvoir mieux ventiler ou mieux aérer leur logement. Alors, votre conclusion, c'est quoi, vous ? C'est que il faut... Alors, on va en parler tout à l'heure. Et je sais que André Buchmann est une grande adepte de l'ouverture des fenêtres. Mais il y a l'ouverture des fenêtres. Alors, je vois aussi dans votre sondage, finalement, il y a un tiers des Français qui ouvrent moins d'une demi-heure par jour leur fenêtre. Mais il y a des solutions. Donc, vous allez préconiser, évidemment, plutôt la ventilation mécanique. Oui, tout à fait. Ben, le principe de base, c'est d'avoir de disposer d'une bonne ventilation qui puisse permettre justement d'agir tout au long de la journée sur toutes les sources de polluants, celles qu'on identifie ou pas. Après, effectivement, ponctuellement, quand on cuisine, on peut ouvrir sa fenêtre et agir. Mais effectivement, le principe de base, c'est qu'on ait une ventilation qui fonctionne et qu'on maintienne bien pour permettre, voilà, que tout au long de la journée, qu'on soit là ou pas, l'habitation soit aérée et qui fonctionne et qui fonctionne tout le temps, parce que le nombre de gens moi qui m'appellent pour me dire est-ce que je peux me couper la VMC l'été parce que j'ouvre davantage mes fenêtres, mais on sait que c'est plutôt une erreur, hein. Et surtout pas, exactement, parce que ça, c'est le bon exemple, c'est tous ces COV qui dégagent tout au long de la journée. Et je pense que votre interlocuteur dans votre studio pourrait le dire mieux que moi, mais 87% des logements, en fait, ont un taux de composés organiques volatiles supérieur à la norme recommandée. Donc ça montre bien qu'il faut avoir une ventilation qui doit être continue toute la journée dans son logement. Voilà. Alors, donc, simple ou double flux, quelle est votre préconisation, quelle est votre religion? Non, aujourd'hui, c'est sûr que si on veut parler de la meilleure technologie, c'est bien entendu le double flux. Pour une autre raison qui est, dans ce que montre cette étude, c'est qu'on a presque un Français sur deux qui, dans certains cas, ne peuvent pas ouvrir leurs fenêtres parce qu'ils vont avoir des sources de pollution extérieures. Oui. On peut penser aux gens qui habitent dans les zones urbaines près d'un axe routier, ou même des gens qui sont à la campagne, qui sont près d'un champ et qui ont des enfants qui sont soumis à des allergies ou asthmatiques. Donc là, quand on a un système, par exemple, de double flux, pour expliquer rapidement ce qu'est le double flux, le double flux vient donc extraire l'air intérieur et puis ramener de l'air extérieur, mais en le filtrant. Donc là, on peut aussi... Et en le réchauffant. De pollution et en le réchauffant aussi. Voilà, donc il y a un gain qui est lié... pour l'hiver, on limite la perte d'énergie, donc on fait des gains de chauffage. Et puis, on a ce système de filtre qui permet d'éliminer les pollutions extérieures et en même temps d'éliminer la pollution intérieure. Donc là, c'est vraiment la meilleure technologie. La filtration sur les particules, oui, sur beaucoup d'autres choses, c'est pas absolument évident. C'est vrai que on puise aussi de l'air à l'extérieur. Hein. Tout à fait, mais ça reste aujourd'hui la solution qui restera de toute façon la plus performante par rapport à des solutions de simple flux qui ne fait qu'extraire l'air justifié et l'air intérieur qui reste, qui rentre, n'est absolument pas filtré. Très bien. Bon, il y a André Buchmann qui veut dire quelque chose, mais... Oui, on vous écoute, allez-y. Alors, je voudrais préciser que l'Observatoire a été créé par les pouvoirs publics. C'est un genre d'organisme d'observation et de recherche pour avoir une connaissance objective. Et nous avons réalisé une étude sur l'ensemble du territoire, sur la France métropolitaine entre 2003 et 2006. 50% des logements observés ne présentent aucun problème. Il y a effectivement des problèmes importants sur 10% de logements, des problèmes moyens sur 20% de logements, mais pas 80% de logements qui posent problème. Ça, c'est le premier point. Effectivement, une des grandes difficultés, c'est le renouvellement d'air. Moi, je préfère parler de renouvellement d'air, qui peut se faire par ventilation mécanique, selon les endroits, selon le bâti, selon l'isolation, mais ça peut aussi se faire par ouverture de fenêtres. Et je crois que c'est important, au-delà de la question technique, je suis tout à fait d'accord qu'il faut bien sûr des systèmes mécaniques là où c'est nécessaire, mais il y a la culture de la maison qui est aussi essentielle. Comment est-ce que je fais en tant qu'occupant? Et là, on se rend compte, j'étais aux Assises nationales de l'air les deux derniers jours, il y a des études qui nous ont été présentées, et il a été vraiment mis en évidence que le comportement est fondamental. Très bien, on revient dans un instant, 9h19, c'est RMC, on parle de la qualité de l'air à l'intérieur de la maison avec nos invités. Tout à l'heure, nous rejoindra Christian Aika, notre médecin, qui va nous parler concrètement justement des désagréments du fait de respirer un air vicié. Et puis nous aurons Corinne aussi qui nous a appelé au 3216 et qui a une question pour vous, Christian. Oui. C'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est la maison, à tout de suite. RMC jusqu'à 10h, votre maison. Le carburant à prix coûtant? Bah oui, chez U. Aujourd'hui encore, le carburant est à prix coûtant. Alors vous prenez votre voiture, vous foncez chez U et vous faites le plein d'économies. Eh bah oui, on peut dire qu'avec le carburant à prix coûtant chez U, vous êtes le roi du pétrole. Le roi du pétrole. Le carburant à prix coûtant, c'est jusqu'au 24 septembre. Liste des magasins U participants sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. L'énergie et notre avenir, économisons-la. Plutôt canapé ou tribune, jusqu'au 15 octobre, ne choisissez pas. Vivez les deux. Pour l'achat du nouveau Sony Xperia X Compact ou Xperia X, bénéficiez de 4 mois d'abonnement à Bein Sport Connect et tentez de remporter des places pour un match de l'UEFA Champions League. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants. Détails sur promotion-sonymobile.fr. Xperia par Sony, partenaire de l'UEFA Champions League. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies? du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de deux produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur conforama.fr. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel, votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert. Avec ses portes coulissantes main libre, sa navigation connectée, son volume de 6,6 mètres cubes grâce à la banquette Modiwork et son moteur 2 litres Blue HDI offrant la consommation la plus basse de sa catégorie. Nous comptons sur vous. Professionnel, découvrez le nouveau Peugeot Expert dans le réseau Peugeot. Détails sur peugeotprofessionnel.fr. Bonjour, c'est Apolline de Malherbe. Je vous donne rendez-vous demain midi sur BFM TV pour BFM Politique. Et cette semaine, je reçois François Baroin, longtemps un protégé de Jacques Chirac. Il est désormais l'atout maître de Nicolas Sarkozy, qui laisse même entendre qu'il fera de lui son Premier ministre. BFM Politique, demain 12h-14h et 18h-20h sur BFM TV avec Le Parisien Aujourd'hui en France et RMC. Le mois Carrefour. Attention, dernière ligne droite pour les deals du jour du mois Carrefour. C'est parti. Waouh, ils sont toujours aussi renversants. Regarde, le drone Parrot Bebop Rouge est à 249 euros au lieu de 399. Attention, ça va décoller. Oh. Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre renversante. Aujourd'hui, dans vos hypermarchés Carrefour et sur carrefour.fr, le drone Parrot Bebop Rouge est à 249 euros au lieu de 399. Caméra Full HD garantie 2 ans. Carrefour. RMC, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. h 22, le week-end des experts, la maison. Et on évoque ce matin la qualité de l'air que l'on respire dans la maison. Et nous retrouvons tout de suite notre médecin Christian Riquet qui est là. Bonjour Christian. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux d'avoir à gérer avec vous ce sujet de santé publique. Majeur. Un sujet majeur. Un sujet absolument majeur. Christian Riquet, donc, quelle est la conséquence d'une maison dans laquelle l'air ne se renouvelle pas suffisamment? Quelles sont les pathologies que l'on peut craindre? Eh bien, tout d'abord, considérons que ce sont les petits-enfants, les enfants qui sont les plus touchés par la mauvaise qualité de l'air dans une maison, dans un appartement. Oui. Considérons aussi que dans les appartements, il y a plus de risques de pathologies pour enfants que dans les maisons. Considérons également qu'il faut voir qu'il y a des problèmes liés à des bactéries, à des champignons qui provoquent au niveau pulmonaire des désastres pulmonaires majeurs. Il y a des produits chimiques comme les perturbateurs endocriniens ou les COV qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, on voit aujourd'hui, ces travaux que je fais en ce moment, les nanoparticules qui, malheureusement, apparaissent aussi dans les appartements. Et puis, il faut aussi gérer les températures, ce qui fait que ces trois facteurs provoquent à la fois chez les nourrissons, les enfants et chez les adultes, jusqu'aux personnes âgés, des perturbations à la fois pulmonaires, à la fois vasculaires, pas forcément des perturbations cutanées, mais non. Globalement des perturbations endocriniennes et métaboliques qui sont effectivement difficilement visibles sur le plan scientifique. Il n'y a pas de science exacte sur le sujet, mais quand aujourd'hui on accuse tel le diesel, telle autre particule issue des carburants de provoquer des pathologies et des cancers, je pense que la mauvaise gestion de l'air d'une maison ou d'un appartement provoque infiniment plus de pathologies que les autres. Et je dirais que quand il y a 60% d'eau dans l'organisme qui gère le métabolisme, oui. Eh bien le premier intrant alimentaire que l'on consomme, c'est l'air. Donc faire comprendre aux consommateurs que prendre de l'air de qualité, c'est un gage de santé majeur. Mmh. Et donc, pour répondre à la question, c'est se dire que tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est du bon sens. Je peux regretter, nous pouvons regretter simplement que ce n'est pas suffisamment mis en place dans l'éducation et dans l'information du public. C'est tout à fait regrettable. Et ce qui veut dire que des parents, quand l'automne commence, quand l'hiver commence, devraient vous écouter minutieusement et tout ce qui a été dit et tout ce qui va suivre sera absolument capital pour éviter des bronchopneumopathies, pour éviter des asthmes. Oui, c'est l'asthme qui est peut-être la première maladie, non, on peut dire ça ? Qui donne des pathologies comme oui. L'asthme, effectivement. D'accord. Donc, ça veut dire un air plus sain. Alors, justement, donc, André Buschmann, donc, de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, veut s'exprimer. Allez-y. Bonjour, docteur. Sur la question des pathologies, Il y a effectivement tout ce que vous dites, il y a le problème du renouvellement d'air. Il y a aussi un autre sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est ce que chacun apporte à l'intérieur de son logement. Que les ce fumeurs. Soit au, que ce soit les humeurs, les mauvaises les humeurs. Fumeurs. Il y a le problème de la fumée qui est un problème vraiment fondamental, mm-hmm. mais il y a aussi tout ce qu'on utilise au quotidien. Les produits de ménage, les parfums ouais. d'ambiance, etc., etc. Alors ce que vous abordez, madame, est fondamental. Effectivement, quand aujourd'hui il y a des mamans, il y a des papas, il y a des femmes de ménage, il y a des personnes qui prennent des produits chimiques redoutablement efficaces contre les bactéries, mmh. les champignons et les virus, il suffit de respirer ces produits pour constater qu'on a beau avoir été minutieux sur la rénovation de l'air dans l'appartement, ouais, ça, c'est une terrible. Fois que les produits chimiques mmh. qui dépolluent tout, soi-disant, eh bien ces produits sont plus pollueurs que ce qui a été enlevé par ailleurs. Donc il faudra être également efficace sur l'éducation de ces produits-là. Mais attention, madame, votre question est majeure. Et vos propos sont très importants. Il ne faut pas supprimer finalement des produits efficaces et avec une science pour montrer qu'il y a 100% d'efficacité sur telle bactérie, tel virus et, mmh. et tel champignon. Il faut aussi les remplacer par des produits dits écologiques, mais qui soient tout aussi efficaces. D'accord. Je parlerai du savon noir, je parlerai d'autres choses, mais encore une fois, il faut de la science derrière ça. D'accord. Et il faut des preuves. Christian, merci. On va revenir dans un instant. Il est bientôt 9h30, c'est RMC. On parle donc du traitement de l'air de la maison jusqu'à 10h avec nos invités. N'hésitez pas à nous appeler. 3216, on va retrouver Kate d'ailleurs Corinne dans quelques minutes après la météo. Les infos, à tout de suite. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, votre maison sur RMC. Monoprix, tu sais que t'es accro au yoga le jour où tu fais la salutation au soleil pour dire bonjour à ta mère. Ouais. Et tu sais que t'es encore plus accro au yoga quand tu reçois 10€ en bon d'achat Monoprix. Et toi, tu crois que c'est grâce à ton karma? Du 22 au 25 septembre chez Monoprix, pour 50€ d'achat dans les rayons alimentaires, recevez 10€ en bon d'achat, valoir sur tout le magasin jusqu'au 2 octobre. Monoprix. Conditions et magasins participants sur monoprix.fr. Et voilà, c'est terminé au stade 42. L'équipe de la fibre a largement dominé les débats. Quelle vitesse! Bravo la fibre Free! Avec la fibre Free, passez à la vitesse supérieure. Débit descendant max théorique jusqu'à 1 gigabit par seconde et débit montant jusqu'à 200 mégabits par seconde. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Plus d'infos sur free.fr ou au 1044. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30€ d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à conditions. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Salut, moi c'est Lucas. Lucas Dubol. Oui, je sais. Et du bol, j'en ai. De quoi remplir une armoire. Hier, je démarre ma Citroën et là, le fameux message. Toi, va faire réviser ta voiture. Du coup, je prends rendez-vous sur Citroën.fr et sur le site, qu'est-ce que je vois pas? Avec l'opération Soyez malin et faites le plein, plus j'entretiens ma voiture, plus on m'offre du carburant. Ça va jusqu'à 280€. Là, c'est plus du bol, c'est un bidon. Et moi, je dis merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conditions sur Citroën.fr. Dépêchez-vous, ça commence! Les 6 jours grandes marques chez Intermarché. Profitez de 70% en avantage carte sur le pack de 6 bouteilles d'un litre 5 de Coca-Cola. Oui, 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Standard ou zéro. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et c'est avec Jean-Baptiste Bergès qu'on fait un point sur la météo de votre week-end. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François, bonjour à tous. C'est ce qu'on appelle un week-end contrasté. Aujourd'hui c'est l'été, mais demain ce sera bel et bien le retour de l'automne. Entre les températures de cet après-midi et celles de demain, nous aurons 10 degrés de différence, 10 degrés de moins. Il faut dire que ce samedi, le mercure va grimper assez haut, entre 4 et 8 degrés au-dessus des normales de saison, surtout dans le sud-ouest. À Bordeaux, on attend 31 degrés. Il fera aussi 30 degrés dans le Tarn-et-Garonne, 26 degrés près de la Méditerranée. Et le nord ne sera pas épargné par cette douceur. Température prévu cet après-midi, 26 à Paris, 24 à Strasbourg, 24 à Brest. Brest, où la grisaille va se faire de plus en plus présente au cours de la journée, comme sur la grande majorité de la Bretagne d'ailleurs. Ce sera la seule région où le ciel sera plus mitigé, conséquence d'une dégradation qui se prépare sur l'Atlantique. Partout ailleurs, beau ciel bleu, avec toutefois quelques averses prévues sur les reliefs en fin de journée, Pyrénées, Alpes du Sud ou encore en Corse. Les températures ce matin, il fait 11 degrés à Strasbourg, 13 à Versailles, 15 degrés à Toulouse, 17 à Montpellier et déjà 20 degrés à Nice. À avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC, merci d'être avec nous, 9h30, un point sur l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous, c'est l'actualité de la nuit, cette fusillade à l'ouest des États-Unis, précisément dans l'état de Washington, fusillade dans un centre commercial. Trois personnes ont été tuées, le tireur est en fuite, un homme d'origine hispanique, dit la police sur place. En Syrie, les habitants parlent d'un déluge de feu, jamais vu, et ça continue ce matin. Ce sont les quartiers d'Alep qui sont touchés, ville rebelle bombardée par le régime syrien. Voilà qui met définitivement fin au cessez-le-feu, conclu il y a deux semaines entre Russes et Américains. Elles prennent le bus ou l'avion ce matin, direction le Vatican. 58 familles de victimes de l'attentat de Nice le 14 juillet dernier seront reçues à midi par le pape François. Des nouvelles de Jacques et de Bernadette Chirac, elles sont données à l'instant par la famille. Jacques Chirac est toujours hospitalisé, il poursuit son traitement. Il est à la Pitié-Salpêtrière depuis dimanche, victime d'une infection pulmonaire. Bernadette Chirac, sa femme, elle, est retournée chez elle alors qu'elle était hospitalisée depuis quelques jours. Journée ville morte, tous les commerçants appelés à fermer le rideau aujourd'hui à Belfort, mouvement lancé par la mairie de la ville en soutien aux 480 salariés de chez Alstom dont la fermeture est prévue d'ici 2018. Le sport, le PSG, décidément loin de ses ambitions, deuxième défaite de la saison, seulement 7 journées, c'était hier soir à Toulouse, défaite 2-0. La suite de cette journée, c'est aujourd'hui avec, pour commencer, 17h, le déplacement de Lyon à Lorient. 9h31 sur RMC, vous êtes avec Christian Pessé et François Sorel, votre maison. Merci beaucoup Thomas. Et on se retrouve demain dimanche. À demain. Dès 6h sur RMC. Le prochain point sur l'actu, ce sera 10h, bien évidemment. On revient dans un instant avec Christian Pessé, le bricolage, la maison, la déco. On évoque ce matin la qualité de l'air intérieur. A tout de suite. Quand on vous dit qu'on peut écouter RMC partout, quand on vous dit qu'on peut écouter RMC tout le temps, c'est vrai. RMC s'écoute n'importe où et à n'importe quel moment sur les applis, tablettes et smartphones et sur rmc.fr. Attention, cri-cri, la question flash est là. Eh oui. Et vous ne pouvez pas y échapper. Non, je n'y échappe pas. C'est pareil toutes les semaines. En moins de 2 minutes, maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Bernard. Vous avez parlé l'autre jour de la possibilité de poser un carrelage très fin sur un carrelage existant, Christian, vous vous en souvenez? Tout à fait. Quels sont vos conseils de pose? Alors, ces carrelages fins qu'on appelle des carrelages slim, font entre 3 et 5 mm d'épaisseur, donc ça veut dire qu'on peut les poser facilement et sans surépaisseur importante, ce qui fait qu'on a à peine besoin de détalonner le bas des portes. Alors, on peut le poser sur un carrelage effectivement existant, en bon état, qui doit être stable, qui doit être régulier, sans relief important et surtout qu'il doit être parfaitement plan. On va dire que 3 mm maxi sous une règle de 2 mètres de long, c'est la tolérance. Sinon, il faudra faire un ragréage. Alors, la pose du carrelage, eh bien, le carrelage existant doit être propre, dégraissé. S'il est très brillant, on appliquera un primaire et puis surtout, on prendra une colle spécifique qu'on appelle une colle flex, c'est-à-dire qui est légèrement flexible, comme son nom l'indique. Alors, on l'appliquera avec un peigne, c'est-à-dire une spatule cranté, qui permet justement donc de rayer en quelque sorte la couche de colle et de la rendre plus adhérente. Le double encollage est indispensable, ça veut dire qu'on va encoller le carrelage et on encollera le carrelage existant et on encollera le dos des nouveaux carreaux. Les joints sont généralement très minces, de 2 à 3 mm et on fera les joints, comme on dit, environ 24 heures après la pose des carreaux. Mmh. Attention de laisser un espace de dilatation de 5 mm, espace périphérique au niveau donc des plinthes. Les formats, 30-30, 60-60, il en existe même de 1 mètre sur 30 cm, ça c'est quand même des gros morceaux. Voilà, le 32-16, hein, si vous voulez, tout comme cet auditeur, poser votre question à Christian Pessé, c'est le moment ou jamais, à tout de suite. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute, et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, votre maison, François Sorel, Christian Pessé. 10h25, un bon week-end et merci d'être avec nous. Et puis, on salue aussi à tous ceux qui viennent d'arriver hein, sur RMC. Vous êtes au cœur de ce week-end des experts, comme chaque samedi et dimanche. J'ai le plaisir de vous accompagner de 6h à 10h avec quand même une belle brochette d'experts. Après le jardin, nous sommes au cœur de ce rendez-vous maison. Et demain, dimanche, nous retrouverons les animaux avec Laetitia Barlorin et l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Christian, on parle ce matin donc de pollution de l'air à l'intérieur de la maison, hein, la qualité de l'air qu'on respire à la maison. On parle de ventilation et de renouvellement de l'air. Ça tombe bien parce que nous avons Corinne qui nous a appelé au 3216 et qui a une question sur ce sujet. Bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, donc nous avons une maison des années 30. Oui. Nous avons mis dans les chambres des ventilations double flux et dans les pièces humides des ventilations simple flux, puisque nous ne pouvons pas mettre une VMR. Et la grande question entre mon mari et moi est de savoir, doit-on ouvrir les fenêtres ou pas ? Non mais attendez, vous ne pouvez pas avoir des ventilations mécaniques simple flux et double flux dans une même maison. Donc je pense que vous faites une confusion. On va demander ce qu'en pense Michel Ménard, donc directeur marché Habitat chez Aldès. Oui, effectivement Corinne, alors on a un petit peu d'interrogation sur la nature exacte de votre ventilation, mais si toutefois vous avez dans votre maison une ventilation qui assure une insufflation d'air dans les pièces de vie et une extraction d'air dans les pièces techniques, eh bien votre mari Corinne a parfaitement raison, c'est pas la peine d'ouvrir les fenêtres, sinon pour vous faire plaisir, parce que vous avez parfaitement le droit d'ouvrir les fenêtres si ça vous fait plaisir, mais cette ouverture des fenêtres, si vous avez un système qui est bien conçu, bien installé et bien entretenu, vous apportera pas grand chose sur le domaine de la qualité d'air intérieur. Donc quelque part votre mari a tout à fait raison. Michel Bénard, vous pouvez nous donner un petit peu une explication, double flux, simple extraction peut-être, c'est peut-être ce qu'a justement dans sa maison de notre auditrice. Bien. Alors un système simple flux et notamment aujourd'hui dans les maisons et dans les logements neufs, c'est plutôt des systèmes qui sont des systèmes simple flux hydro-réglables. Le système simple flux, il va faire rentrer de l'air dans les pièces de vie et il va l'extraire dans les pièces techniques par un balayage du propre vers le moins propre. Le problème du simple flux, c'est qu'il va pas du tout se soucier de la qualité de l'air qui fait rentrer à l'intérieur de la maison. Mmh. Le double flux, lui, il va filtrer l'air qui fait rentrer à l'intérieur de la maison et il va le tempérer par le biais d'un échangeur. Qui va récupérer jusqu'à 90% des calories sur l'air extrait. L'autre avantage du double flux, c'est qu'il va filtrer les bruits qui peuvent rentrer dans la maison beaucoup plus efficacement que ce que peuvent le faire des entrées d'air, même des entrées d'air acoustiques. André Huchman, donc de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, je vous vois un petit peu frétiller sur votre siège. Vous considérez que malgré tout, il faut quand même ouvrir les fenêtres ? Non, je pense que les systèmes qui ont été mis en place sont judicieux dans cette maison, mais en même temps, il n'est pas interdit d'ouvrir la fenêtre quand c'est possible. Non. Effectivement, je comprends bien que si on est à côté d'une très forte source de pollution, ce n'est pas recommandé, mais le matin, quand on se lève, ouvrir la fenêtre, ne serait-ce que quelques minutes, est important parce qu'il y a beaucoup de dégagement de COV, de dégagement de CO2 pendant la nuit. Quand on fait le ménage, quand on passe l'aspirateur, c'est quand même plus judicieux aussi d'ouvrir la fenêtre, quand on fait la cuisine, de passer un petit coup. Mais alors, je suis d'accord avec vous, mais dans des gratte-ciels ou même tout simplement dans des immeubles comme les nôtres ici, maintenant tout se gère par la clim et par les systèmes d'ouverture. Oui. Et moi, je m'interroge, je me demande si au rythme où vont les réglementations thermiques, si dans quelques années, eh bien, on n'aura pas des maisons qui n'ont plus l'ouvrant. Alors il faut dissocier les bureaux, les lieux de travail, comme là où nous sommes, comme le studio où nous sommes, où il n'y a pas effectivement d'ouverture, mais il pourrait y avoir des ouvertures, mais il n'y en a pas. Des immeubles très grande hauteur, où vous êtes, si vous êtes au 30e étage, je comprends aussi qu'on ne puisse pas ouvrir sur l'extérieur, mais quand même beaucoup de Français vivent soit dans des petits logements, dans des petits immeubles, etc., avec des fenêtres. Cela dit, je suis d'accord avec vous qu'il faut quand même faire pression pour que la possibilité d'ouvrir la fenêtre puisse exister tout ce qu'on construit. Je pense. Michel Ménard, donc de Chalès. Oui, j'entends bien ma voisine qui est une avocate acharnée de l'ouverture de la fenêtre, mais cependant... Ça s'appelle du débat. Ça s'appelle du débat. Non, cependant, quand on a un système qui est bien conçu, bien installé, et c'est quand même dommage, alors qu'on a des filtres qui sont là pour filtrer les pollutions de l'extérieur. Ah oui, mais le parfum du printemps, les petits c'est bien la raison pour laquelle rien n'est interdit. Mais ça n'est vraiment pas utile sur le plan de la qualité de l'intérieur. Je suis d'accord, parce que je voudrais juste ajouter quelque chose. J'ai travaillé avec les Suisses, parce que je suis expert, et je travaille avec des Suisses où ils ont changé de position, tout simplement, parce que dans les grandes entreprises du style Nations Unies, etc., quand il n'y a pas la possibilité d'ouvrir la fenêtre et d'avoir justement un écho de l'extérieur, ça stresse un peu les gens et ça crée des problèmes relationnels avec la hiérarchie. Ah là, on est tout à fait d'accord. Mais là, je ne parlais pas du tout de comportement et de besoin d'ouvrir les fenêtres et d'écouter les petits oiseaux. Je parlais de qualité d'air. Ce que je voulais dire, c'est qu'un système de ventilation bien conçu, normalement, il est très efficace. Absolument. On enchaîne avec Pierre. Merci en tout cas, Corinne, pour votre appel. Pierre, bonjour. Bonjour à tous. Oui, bonjour Pierre. Alors vous voulez nous parler de purificateur d'air, c'est ça hein? Oui, voilà. Alors ça fait un moment que je regardais un peu les systèmes de purification dans une maison. Et c'est plus particulièrement les systèmes mobiles, hein, c'est-à-dire les petits systèmes qu'on vient brancher sur une prise, dans une pièce, dans une maison. Oui. Ça vient aussi du fait que j'ai mis un peu de peinture dans la chambre de ma fille, j'ai refait la peinture, si j'ai l'impression d'avoir encore une petite odeur ou quelque chose comme ça, je me demande si ça peut aider. Alors moi, je vais vous donner tout de suite mon idée. On va voir nos spécialistes ce qu'ils en pensent. Moi, je pense que ça ne sert strictement à rien. Et que si vous avez encore des odeurs, donc justement, là, vous avez les COV, des choses comme ça, qui peuvent s'échapper de la peinture, qui est en train de sécher, eh bien là, vraiment, il faut ouvrir les fenêtres. Là, justement, là, c'est peut-être les limites de la ventilation mécanique contrôlée. Qu'en pense Michel Bénard? On va vous parler d'une solution de purification d'air nouvelle chez Aldès, qui est une système de purification d'air centralisé. Par ionisation, non? Non, absolument non. Pas. Donc on va avoir trois niveaux de filtration. On va filtrer jusqu'à 99% des pollens, des bactéries, des particules fines qui peuvent rentrer. Et on est centralisé. Donc l'avantage par rapport au système de purification d'air décentralisé, c'est qu'on va traiter la totalité des pièces. Alors qu'un système de purification d'air va traiter que pièce par pièce. De plus, les purifications d'air, ils fonctionnent en recyclage. Les systèmes de purification d'air fonctionnent en recyclage. Et donc, ils ne vont filtrer que les particules fines. Avec un système du type Inspirer, on va filtrer donc les particules fines, mais aussi les COV, les CO2. On va aussi traiter l'hygrométrie à l'intérieur des logements. Et donc, typiquement, les systèmes de purification d'air, oui, mais centralisés. D'accord. Donc du coup, ça demande beaucoup de travaux. Ça demande de refaire dans une maison existante. Ça s'installe comment ça? C'est le même principe qu'une VMC. C'est une VMC. Mais vous avez tout un système derrière avec un moteur, etc. C'est une VMC double flux avec un double réseau. Moi, j'aimerais revenir à votre question, monsieur, parce que vous avez posé la question suite à des travaux de peinture dans une chambre d'enfant. Oui. Et là, c'est un cas de figure tout à fait connu. Quand vous faites de la peinture, choisissez déjà une peinture qui soit le moins émissive possible. Ah oui, réfléchissez cas, hein. Aussi. J'aère, de toute façon. Mm-hmm. Ouvrez les fenêtres avant de remettre l'enfant dans la chambre. Et je crois que c'est fondamental. D'accord. C'est assez différent des systèmes pour filtrer l'air extérieur. Oui. Parce que là, la pollution, elle est intérieure. C'est vrai qu'on a un concentré. Mais là, vous avez un étiquetage écolabel avec A+, et c'est ce qu'il faut prendre pour une pièce d'enfant. On revient dans un instant, messieurs, et nous aurons René avec nous qui va nous parler d'un puits canadien. Vous savez que c'est une méthode naturelle pour rafraîchir ou réchauffer la maison. Mais alors l'air qui sort d'un puits canadien, est-ce qu'il est propre ou pas, entre guillemets? On va en parler dans un instant. Il y a eu des problèmes. On va en parler. Il est pratiquement 10h moins le quart, le 32-16, maison@rmc.fr. A tout de suite. RMC jusqu'à 10h, votre maison. RMC Running Session avec New Balance, saison 2. Vous souhaitez vous initier au running, améliorer rapidement vos acquis? Les coachs New Balance repartent à votre rencontre partout en France pour des sessions 100% plaisir. Comme les runners bordelais ce week-end, testez l'expérience. Prochaine session le 15 octobre à Lyon. Courez vous inscrire sur rmcsport.fr, rubrique RMC Running. Le magique anniversaire continue chez But, avec en ce moment moins 50% sur le matelas Dreamea Memories, 160x200, 399,50€ au lieu de 793€. Moi, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. La vraie question, c'est de poser la bonne question. À votre avis, ce qui est en train de se passer, est-ce que ça change la donne? Pour obtenir des réponses, on est bien obligé de débattre. Quitte à répéter la question. Vous n'avez pas de doute là-dessus? J'allais poser la question. Ben oui. Caroline Roux et Bruce Toussaint ont des questions pour leurs experts. C'est dans l'air du lundi au samedi en direct à 17h45 sur France 5. Et là, chérie, j'ai suggéré que l'entreprise passe chez Direct Énergie pour l'électricité et le gaz. Ah, et donc? Et donc, mon patron a trouvé ça super malin, et donc on économise 10% grâce à moi. Et donc? Eh ben, on a une nouvelle photocopieuse. Ah, super. Avec Direct Énergie, en 5 minutes et dès aujourd'hui, les professionnels aussi peuvent payer l'électricité et le gaz jusqu'à 10% moins cher. Appelez le 3099 ou rendez-vous sur directenergie.com. Service et appel gratuit, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel. Votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert avec son volume de 6,6 mètres cubes grâce à la banquette Modiwork et profitez de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Expert Premium Pack à partir de 179 € par mois. Garantie assistance et entretien 5 ans inclus. Nous comptons sur vous. Crédit bail sur 60 mois, 50 000 km après un premier loyer de 4 900 €. Détails sur PeugeotWebStore.com. Le carburant à prix coûtant? Bah oui, chez U. Aujourd'hui encore, le carburant est à prix coûtant. Alors vous prenez votre voiture, vous foncez chez U et vous faites le plein d'économie. Eh bah oui, on peut dire qu'avec le carburant à prix coûtant chez U, vous êtes le roi du pétrole. Le roi du pétrole. Le carburant à prix coûtant, c'est jusqu'au 24 septembre. Liste des magasins U participants sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. L'énergie est notre avenir économique. RMC, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Il est 10h moins le quart sur RM, c'est votre matinée chez nous. Dans quelques minutes, on retrouvera la météo, les infos de 10h et on enchaînera avec les GG du sport. Mais d'ici là, on termine ce rendez-vous maison. Christian Pesset, nos invités, on évoque la qualité de l'air à l'intérieur de la maison, la ventilation. Et je vous propose d'accueillir René qui nous a appelé au 3216. Bonjour René. Bonjour René. Les grands spécialistes. Merci. Voilà, alors on vous écoute. Une maison construite depuis 20 ans. Avec un puits canadien. Oui. Un puits canadien à air. Oui, bien sûr. Une profondeur environ 7-8 mètres. En général, un puits canadien, c'est à air, hein, Christian. Oui, c'est toujours à air. C'est toujours à air. Ils sont à eau. Non, il n'y a pas de puits canadien à eau. Les puits canadiens, ça puise de l'eau. Ça puise de l'air. Attention, est-ce que vous ne confondez pas avec une géothermie? Non, vous avez bien un ensemble qui vous ramène de l'air plus chaud l'hiver et plus froid l'été. Ah, donc j'ai une circulation d'air qui vient derrière les radiateurs et qui ventile la chaleur et rafraîchit l'été. Oui. Ce que je voudrais savoir, c'est s'il faut désinfecter ces conduits, parce qu'il y a beaucoup de conduits, dedans il y a des bactéries. Oula. J'ai des filtres qui sortent dans les moteurs, mais est-ce suffisant ? Alors, ça, c'est un bon sujet que vous soulevez là, parce que c'est une bonne question pour les puits canadiens, dont on sait qu'il y a eu quelques problèmes bactériens lorsqu'ils étaient pas très bien ou lorsqu'ils ne sont pas très bien conçus. Mais vous posez le problème plus largement de l'entretien de ces systèmes de ventilation. Et nous avons en ligne Fabien Thomas, qui est gérant de France Hygiène Ventilation. Bonjour, monsieur Thomas. Bonjour, monsieur Pesset, bonjour. Donc, votre entreprise, elle, est complètement spécialisée, alors peut-être pas dans les puits canadiens, mais ça peut venir, mais en tout cas dans l'entretien des VMC, parce que je ne cesse de dénoncer à l'antenne le fait que des VMC qui ont 20 ou 30 ans, parce qu'il y en a maintenant de cette époque-là sans problème, eh bien, on se contente parfois de nettoyer des filtres, mais il y a aussi des canalisations, et je crois savoir que quand on fait passer une caméra dans ces canalisations, dans ces gaines, hein. C'est l'apocalypse, vous confirmez ? Oui, je confirme, oui, tout à fait. Oui, en effet, oui, en fait, bah, tout l'air pollué, en fait, qui vient se déposer dans les ventilations, dans les gaines, en fait, bah, vient se colmater et créer, voilà, un colmatage de poussière avec toutes ces bactéries. Il y a des chandelles là-dedans. Hein. Ah bah oui, c'est impressionnant. Ouais. Rajoutons aussi les gaines qui sont pas droites dans le grenier, dans un grenier mal isolé, la condensation, l'eau qui s'y accumule dedans. Mais Christian, mais comment on fait là? Alors, on peut nettoyer tout ça? Alors comment vous faites? Quelle est votre méthode? Alors nous, en fait, on a des appareils donc de brossage, donc électroportatifs, oui, qui viennent en fait brosser les parois des gaines de ventilation. D'accord. Qui vont décoller en fait la poussière. C'est du ramoneur, quoi, finalement. On vient les aspirer, exactement, ouais, comme un simple ramoneur qui vient ramoner votre cheminée. Nous, en fait, on fait la même chose, mais avec un autre système technique ou une autre technique, mais c'est un peu le même procédé. Quoi. Selon vous, il faut faire ça tous les combien? Alors nous, on conseillerait ça tous les 3 à 5 ans. Oui, voilà. C'est raisonnable, après, il me semble. De la typologie du logement, mais voilà, et puis de son utilisation, mais non, on dirait tous les 3 à 5 ans. D'accord. Ça coûte combien on a un pavillon, une maison individuelle, je sais pas, d'une centaine de mètres carrés, une VMC simple ou double flux, ça coûte combien? Alors sur une simple flux, on sera aux alentours de 110 €. Donc ça va comprendre en fait le nettoyage en fait des entrées d'air, des bouches d'extraction, oui, des gaines et du moteur. D'accord. Ensuite, pour une double flux, on va être aux alentours de 150 euros. Oui, parce que c'est un peu plus compliqué. Christian, voilà. Vous parliez de maison, de pavillon, etc. Mais en appartement, comment fait-on là? Alors vous faites, j'imagine aussi, il faut demander au syndic à ce moment-là de faire un entretien. Oui, alors en fait, en règle générale, c'est le syndic de copropriété qui nous consulte parce que le conseil syndical lui a demandé de faire un entretien sur les gaines de ventilation. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que forcément, avec le volume de copropriétaires, il est difficile de pouvoir accéder à l'ensemble des logements et quand en plus les occupants nous permettent de rentrer parce que c'est pas toujours le cas. Bien sûr. Donc voilà quoi, mais autrement oui on est de plus en plus sollicité pour ça. Très bien. Francehygiène-ventilation.fr. C'est ça. Merci. Christian Eka, notre médecin, est toujours là. Christian, vous vouliez intervenir. Oui, merci infiniment. Ce qui vient d'être rapidement, Christian, s'il vous plaît. Dans toute réunion de copropriété, le sujet de l'air devait être le premier sujet abordé en début de réunion. C'est fondamental. Et pour compléter les choses, aérer, ouvrir les fenêtres est un élément majeur pour nous médecins. Les familles qui ouvrent les fenêtres ont beaucoup moins de soucis que les autres. Et bien évidemment, tout est mis en place bien pour sûr. Tous les outils qui sont expliqués aujourd'hui. Mais il faut de la raison donner. Et ça, c'est fondamental. Dormir avec les fenêtres ouvertes, ce n'est pas du non-sens. Apporter de nettoyage des appareils, c'est du bon sens. Mais ouvrir les fenêtres, c'est la santé. André Bussmann, vous vouliez... Ouvrir les fenêtres, c'est la santé. C'est il faudra la santé. Retrouver ce slogan. André Bussmann, vous vouliez ajouter quelque chose concernant justement la possibilité d'obtenir un diagnostic. Alors, puisqu'on discute avec un médecin qui est en ligne, je voulais juste rapporter quelque chose qui existe, qui est un nouveau métier, c'est conseiller médical en environnement intérieur. Ce sont des personnes formées à l'université qui ont la possibilité d'avoir une connaissance assez développée et qui sont envoyées par le médecin au domicile du patient. Très bien. Michel Ménard, on parle beaucoup de connexion, d'objets connectés, etc. Est-ce que ça touche aussi le secteur de la ventilation? Oui, absolument. Je parlais tout à l'heure d'une solution Inspira. C'est une solution qui est une solution connectée. On va tout à la fois pouvoir piloter son purificateur d'air, soit en fonction de la vie que l'on a dans la maison. Quand on est en vacances, on a besoin d'être moins ventilé. Quand on en reçoit des amis, on a besoin de l'être plus. Et on va pouvoir intervenir tant à poste que sur son smartphone, parce que maintenant on a des solutions de ventilation 2.0. Oui. Et puis il va y avoir aussi une automaticité de la gestion de la qualité d'air, par exemple avec des sondes de CO2. Et voilà, il y a aussi des moyens d'analyser la Absolument. Qualité de l'air en Absolument. CO2, en CO2, Absolument. etc. Et on travaille beaucoup chez Aldès sur des capteurs qui n'existent pas aujourd'hui, parce qu'il n'existe pas de capteurs multi-pollution qui sont vraiment faits pour la qualité d'air intérieur, qui soient tout à la fois capables de capter les CO2, les COV, l'hygrométrie, les particules fines, et on travaille beaucoup là-dessus. Alors, je vais être synthétique, je vais dire, laissez tourner votre VMC, entretenez-la, et puis ouvrez votre fenêtre quand même de temps en temps. Si ça vous fait plaisir. Ne serait-ce que pour dire bonjour à la voisine. Ou au voisin. Ou au voisin. Ou au voisin, pourquoi? Franchement, en question. Attends, avec uniquement la voisine. Voilà, mais on se rend compte que c'est pas un sujet qu'il faut prendre à la légère. Hein, c'est un sujet absolument essentiel, Christian Eka le soulignait, parce que c'est à la fois le bien-être, mais aussi la santé. Mais quand je dis le bien-être, c'est vrai que de temps en temps, quand même, on éprouve le besoin aussi d'ouvrir sa fenêtre, j'allais dire, sur le monde. Oh, c'est beau, ça. N'est-ce Christian, pas? Est-ce que vous ouvrez vos fenêtres, vous, chez vous? Oui, moi, j'ouvre ma fenêtre, et même à Paris, parce que je suis entre Paris et la Normandie. La Normandie, effectivement, à Caen, on est quand même pas trop pollué, en général. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que si on est à proximité, par exemple, d'une route très passante, etc. Là, il faut faire attention. Il faut faire attention, bien évidemment, mais c'est quand même rarissime. C'est-à-dire que la plupart du temps, vaudra mieux ouvrir que de rester dans une maison cloîtré. Ou avoir une très bonne VMC. Ou alors avoir une très bonne VMC. Oui, pardon. Effectivement, il y a tout ce que vous avez dit, mais il y a aussi l'aspect économique. Parce que si les personnes sont malades, elles sont hospitalisées, il y a donc tout un cycle qui se met en place. Ah, nous avons fait une étude, nous avons réalisé une étude socio-économique, et uniquement sur 6 polluants, donc je ne parle pas de l'ensemble des polluants, le résultat fait que ça coûte 19 millions d'euros par an à la France, à la sécurité sociale. Et donc, il nous faudrait une véritable réglementation coercitive. C'est absurde d'avoir l'obligation de ramener des cheminées qui ne fonctionnent plus, alors qu'on n'est pas obligé d'entretenir sa VMC. Christian, merci beaucoup. Super intéressant, comme d'habitude. Et on se retrouvera pour un prochain rendez-vous maison, samedi prochain, vous savez, 8h-10h.

automne, entre 4 et 8 degrés au-dessus des normales de saison. Biarritz sera l'un des endroits où il fera le plus chaud. On attend 31 degrés en Nouvelle-Aquitaine au meilleur de la journée, 30 à Montauban, 26 à Marseille et Paris, 24 à Strasbourg. Profitez car demain ça se dégrade. Retour de la pluie dimanche matin, du sud-ouest aux côtes normandes, il va pleuvoir. Seul l'est du pays restera bien au sec. Les températures en ce moment, il fait 12 degrés à Lille, 13 à Rouen, 13 à Nantes, 13 degrés également à Saint-Gaudens dans la Haute-Garonne, 19 à Perpignan et 20 degrés du côté de Nice. Très belle journée avec RMC. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec football, les matchs de la Première Ligue anglaise. 14h45, rugby top 14, Castres Racing 92. Et dès 17h, Intégral Foot Ligue 1, Lorient-Lyon, avec à 20h les autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. RMC 10h, vous écoutez RMC, donc dans quelques instants, les grandes gueules du sport, avec Christophe Cessu à mes côtés, mais tout de suite, le journal présenté par Guillaume de Prévoisin. Bonjour Guillaume. Bonjour Serge, bonjour à tous. 450 personnes victimes ou proches des victimes du 14 juillet seront reçues tout à l'heure à midi par le pape François au Vatican. Ils vont rencontrer le souverain pontife pour une audience privée d'une heure, une rencontre sous le signe de la fraternité interreligieuse. Jean-Claude fait partie du voyage, il a perdu son fils, policier, sur la promenade des Anglais. C'est une des étapes. Vous savez, on dit que voir le pape, ça porte chance, voir le Dalai Lama, ça porte chance. J'avais vu le Dalai Lama en 2008 en Asie. Malheureusement, ça ne nous a pas porté chance. Et le pape François, il est comme moi, c'est un humain, mais il peut nous apporter de la sérénité dans notre chagrin, quoi. Opération Ville Morte à Belfort pour sauver le site historique d'Alstom. Habitants et salariés vont défiler dans les rues de la ville. Les commerçants sont invités à fermer leurs magasins entre 14 et 15 heures par solidarité. Une journée de mobilisation pour éviter la délocalisation des activités de groupe en Alsace. La crise des migrants et François Hollande est à Tours. Aujourd'hui, il doit se rendre dans un centre d'accueil des réfugiés. Le président de la République sera accompagné de trois de ses ministres, dont Bernard Cazeneuve. Des centres créés pour désengorger la jungle de